rythme de la journée, Rémi. Ouais, c'est vrai, Mehdi, ça s'améliore un petit peu. L'été s'impose enfin, on va dire, hein, dans quasiment tout le pays, je dis quasiment, parce que il y aura quand même encore des nuages ce matin, là, dans un bon quart nord-ouest, des nuages qui vont se transformer même en orage dans l'après-midi. Par contre, le ciel restera dégagé partout ailleurs. Les températures aujourd'hui, elles sont bien en hausse, ces températures. 13 degrés à Cherbourg, 14 à Dijon, 15 à Nancy et à Lille, 16 à Strasbourg et à Lyon, 18 à Paris, 19 à Marseille. Dans l'après-midi, ça s'envole. 22 à Brest, 25 à Nice, bon, normal. 26 à Marseille et à Lille, ok. 29 à Paris, ça commence à être bon. 30 à Nîmes, 32 du côté de Lyon, 33 à Limoges, 34 à Tarbes et jusqu'à 35 du côté de Pau. La pollution, c'est moyen. Les indices compris entre 3 et 5, 5 à Nantes, Pau, Auxerre, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulon. Et le coup d'envoi ce matin des soldes d'été, c'est parti pour 6 semaines de bonnes affaires, aussi bien dans les magasins que sur internet. Une période attendue par les clients, mais aussi par les gérants des commerces. L'année n'est pas très bonne pour l'instant, notamment à cause de cette météo qui parfois peut conditionner notre envie ou non de faire du shopping. Ça commence fort par endroits, avec des moins 40, moins 50% attendus dès ce matin, fin des soldes le 2 août. Deux itinéraires proposés aux autorités pour empêcher les débordements. On ne sait toujours pas à quoi va ressembler la manif anti-loi travail de demain. Les négociations ont commencé il y a 24 heures, mais aucune réponse n'a été donnée. Les syndicats refusent toujours un rassemblement statique sur la capitale. Un accord trouvé chez Air France, c'est la bonne nouvelle du jour. Le futur PDG a rassuré les syndicats qui ont levé leur préavis de grève pour ce week-end. Les salaires ne vont pas baisser. En contrepartie, les pilotes s'engagent à ne pas faire de mouvement social au moins jusqu'au mois de novembre. Un drame familial à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un homme a tué sa femme et ses deux enfants de 12 et 15 ans avant de retourner l'arme contre lui. Le père de famille a laissé une lettre qui accrédite la thèse du suicide. Il s'agit d'un ancien militant Les Républicains qui avait envisagé de se présenter aux élections municipales. Il était en très grande difficulté financière et sa femme envisageait une séparation. L'Euro, comme tous les matins sur Skyrock, Italie-Espagne, ce sera l'une des affiches des huitièmes de finale. La Roja s'est inclinée hier contre la Croatie, 2-1. L'Allemagne a fait le job mais sans briller contre l'Irlande du Nord. Score final à 1-0. La Turquie s'impose 2-0 contre la République tchèque et défaite de l'Ukraine 1-0 contre la Pologne. Deux matchs de poule ce soir, deux derniers matchs de poule ce soir avec les groupes E et F. On connaîtra donc dans quelques heures le nom de l'adversaire des Bleus. Islande, Autriche et Hongrie-Portugal à 18h, puis Italie-Irlande et Suède-Belgique à 21h en direct dans la radio libre. La Suède qui profitera à fond de Zlatan, hein, puisque c'est l'une des dernières fois qu'il portera le maillot jaune de l'équipe nationale. L'attaquant a annoncé hier qu'il prendrait sa retraite internationale à l'issue de la compétition. Voilà, peut-être le dernier match donc aujourd'hui. Peut-être. Merci Rémi pour les infos. On t'en trouve à 6h30. Ouais. Et on vous souhaite une bonne journée. Les piles 6h sur Skyrock. Aujourd'hui, c'est mercredi, et c'est le morning de Default. The morning show! En direct sur Skyrock. Voilà, et on vous l'avait dit, c'est l'été aujourd'hui, hein, ça y est, c'est parti, là. L'été, c'était arrivé sur le calendrier il y a deux jours. Là, c'est pour tout le monde aujourd'hui avec des températures de folie et notamment du 36 degrés. On vous avait dit, dès que l'été arrive, on va avoir des températures insupportables. 36 degrés dans le sud-ouest de la France. Ouais. On voulait vous saluer dans le sud-ouest alors. Commencez à vous préparer. Claquettes, shorts, mini-jupes, les filles. N'hésitez pas. Obligatoire. Au moins, ouais. Bien sûr, petit haut, mais très très léger aujourd'hui. Et bon courage et surtout du déo dès ce matin pour nos amis du sud-ouest de la France aujourd'hui. Il va faire chaud. Bon, une belle journée, c'est ce qu'on vous souhaite. Et c'est le jour des soldes aujourd'hui. Bonjour Romano, est-ce que tu vas nous solder quelque chose dans tes conseils pas chers? Jamais de sol chez toi. Ah hein. Non, il n'y a pas de sol. Pourquoi il n'y a pas de sol d'ailleurs? Non, mais moi c'est des produits magnifiques, hein, donc ça ne peut pas être soldé. Hein. Des produits magnifiques. C'est comme certaines marques, il y a des marques, elles ne soldent jamais. Toi tu ne soldes pas non plus. Non, pareil. Le Romano ne solde pas. Les soldes d'été, c'est parti pour aujourd'hui. Qui va faire les soldes dans l'équipe? Bonjour l'équipe d'abord, je vous ai pas salué. Ouais, bonjour à tous. Ouais. Bonjour. Ça va solder ou pas? Non. Moi j'attends la deuxième ou troisième des marques. Ouais, pareil. Pareil. C'est-à-dire que c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines. Et vu les autres membres de l'équipe suivent tous les conseils de Romano. À la lettre. J'attends la deuxième ou troisième démarque, il vous dit derrière, Karim. Oh, pareil, comme monsieur Romano. Hein, comme le show. Non, mais c'est vrai, c'est là où tu fais vraiment des choses. Mais quoique, là, je pense que ça va, comme disait Rémi, ça va démarrer fort direct, parce que vu qu'il n'y a pas eu de printemps, oui. Ils ont du stock au niveau des trucs t-shirts. Oui, c'est vrai, ouais. Ils n'ont pas dû en vendre des masses. Ouais, les claquettes, tout ça, c'est pas trop parti. Ouais, non, je crois, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Ouais. Bon, 80% des Français prévoient de faire les soldes d'été. Et bien, si vous en faites partie, bon courage. Et on va vous offrir des sous pour les soldes. Moi, je vais faire les soldes si je gagne 1 500 €, nous dit Curtis, 25 ans. Salut à toi, Curtis. Ah, on a des nouvelles de la météo. Il y a du brouillard du côté de Nantes. Merci à Daven. Oh, ça va se lever. Qui nous a laissé un petit message. Daven, 18 ans, on a du brouillard. et plutôt épais du côté de Nantes. Donc le programme d'aujourd'hui, un truc d'été, hein, les sols d'été, du soleil d'été, des orages d'été aussi pour certains. Ouais. Ce qui est fou, c'est quand même sur l'ouest de la France, vous n'avez pas vu encore l'été, mais vous avez déjà les orages d'été. C'est non, mais c'est bien, ça met déjà dans l'ambiance. Ah, c'est bien ça, de Normandie, Bretagne, un peu dans le nord, papapam. Aujourd'hui, le soleil apparaît, 10 minutes après, vous avez un bel orage. Ça va être sympa. Ça va profiter. Bon, profitez bien, une belle journée qui démarre avec. Ah bah tiens, voici l'orage. Ah bah ça y est, l'orage arrive. Ça pète. Ouais, il fera encore plus chaud demain, je crois, c'est ça, Rémi. Demain, ça monte. Ouais, ça continue. Ouais. Bah écoute, c'est bien. Ah. On va atteindre les 40 degrés dans le sud-est en 2 jours, comme ça, bam. Ouais, c'est ça. Et puis dans 2 jours, il fera 15 degrés. Oui, ça change. 2 jours après, c'est un peu ça, ouais. Eh oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Ah oui, il faut quand même que je vous le dise. Les places pour l'Euro, c'est dans le morning sur Skyrock, vous le savez, mais aujourd'hui, ça vous savez peut-être pas encore, on vous offre la finale de l'Euro. Attention, il nous reste il nous reste des finales. La finale à gagner avant 9h du matin. Ouais. Skyrock est premier sur le foot. Bien sûr. Premier sur l'Euro, on connaîtra nos adversaires aujourd'hui. Et la finale de l'Euro est à gagner, la finale du Stade de France, c'est pour vous. Ouais, ouais. Et ce sera ce matin, à n'importe quel moment, on peut vous poser une question. Question sur l'euro, question sur le foot, question à la con, n'importe quoi. Restez bien à l'écoute, on vous offrira ça tout à l'heure. On aura vos télés à gagner, ce sera les télés Samsung qu'on vous offrira un petit peu plus tard, les 1 500 €, on en a parlé. Et du son pour se réveiller. Alors pour le son, c'est Designer et Panda pour démarrer cette matinée fort, fort, fort. Et puis bah, pour le réveil de star, je vous ferai découvrir notre star dans un instant, ça va pas être facile. Ah ouais? Ah ouais? Ça va pas être facile, même si c'est à fond dans l'actu. Allez, réveil de star. Quelle est la star qui va réveiller les Français? Tenez-vous prêts, on vous dit tout. Après, Designer, Panda, je vous donne un indice d'ailleurs. Panda, c'est un indice. Ah ouais? Animal. Panda, c'est un indice. Ah ah, Romano réfléchit. Bah, quelle est la star? Je suis seul dans l'équipe à dire animal. Ah oui, non, mais c'est. C'est un animal, un panda, oui. C'est vrai. Pas, bah, non, mais c'est pas con ce qu'il a dit. A priori, ça paraît. C'est pas. Je sais pas, peut-être que. Si Sam pour vous. Un chat va venir réveiller les familles, je ne sais pas. Ah ouais, peut-être. Ou un autre. Ah. Ben moi je sais, mais bon, je vous dirai dans un instant. Allez, Panda, c'est parti. Le morning de Diffoul. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Eh oui. Un gros gros son, grosse découverte Skyrock. Designer sur Skyrock. Pretty cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. In the bullet, you ban it, hope you killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted or lean in the van. Credit cards and the scammers, hitting the looks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is it brand new? Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Pull up your band. Hope you killers understand. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted domain and street, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside the shoe, let designer, over to Lady shoe. They be answering rent, I know we clap shoe. I be pulling my stuff in the Fanta shoe. I got plenty just stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Legacies, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the Fanta, no niggas, they come and kill you on the comma. Propolis is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up in the giddy. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of new money. No killers pull off in the inner baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby Trinity. Chop the dawn, doing business in the brave. Doing the pool, doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas complete. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in the line. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting no licks in the banner. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Package full. done it. Selling ball, can it? Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they pull up your band. But we killers understand me. I got broads in the land. Twisted don't lean the fan. Credit cards and the scams. Hitting the links in the van. Legacies, fan. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacies, fan. Why is it fan? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they could pull up your band. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Panda sur Skyrock, c'était le son de Designer. Alors les animaux à l'honneur ce matin sur Skyrock, les sods, le soleil et notre réveil de star. Voici donc la star qui va réveiller les familles. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, Romano, je crois que tu as raison. Il s'agit d'un animal, mais oui. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, vous l'avez reconnu? Ah non. Vous l'avez pas reconnu? C'est le poisson là, vous savez, Dory dans Nemo. Ah oui, le poisson ouais, bleu. Eh bien, le film sort aujourd'hui. Eh ben oui, il y a des affiches partout, le monde de Dory. Et je voulais féliciter Fleur qui nous a laissé un message sans laisser son numéro, qui avait trouvé la bonne réponse sans que je donne aucun indice, que je passe pas la voix, tout ça. Je dis qu'on va retrouver un animal. Eh ben bravo Fleur. Eh ben elle a réfléchi, elle s'est dit cinéma, animal, monde de Dory, Dory, l'animal. C'est donc le poisson. C'est l'autre poisson. C'est le poisson teubé ou pas? Bah en fait, je sais pas du tout moi. Elle est pas teubée, mais c'est juste elle perd la mémoire, ouais. Ah, c'est ça, c'est le poisson teubé. Ah merde. Mais non, c'est Dory qui est sympa, c'est le poisson qui a Alzheimer. C'est un film pour les enfants, bien sûr. Oui, alors c'est elle. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien elle. Bon, Dory pour se réveiller ce matin. Je m'appelle Dory. Moi, je m'attends toujours à voir un petit peu comment vont réagir les familles face à face avec ouais, un poisson. Un poisson, ouais. Un poisson, dans le réveil de star. Comment tu réagis si t'as un poisson qui te réveille? Ça va te faire bizarre. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, ouais. Ah, ça, c'est clair. Bon, on y va. Allez. Allez, c'est parti. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Vous savez que c'est le film d'animation qui a le mieux démarré aux États-Unis, le monde de Dory. Ah ouais? Ah, jamais, jamais, ça. Jamais, il y a un film qui a aussi bien marché. Il sort aujourd'hui en France et voici donc Dory et Jean-Michel. C'est parti, Jean-Michel et Dory, JM et Dodo, c'est parti. Moi j'ai adoré le film, moi. Ah ouais? C'est peut-être mon âme d'enfant de dire ça. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Monsieur, ça va? Ça va? Tu me lâches, oui? Hein? Arrête de me coller aux nageoires! Parce que? J'aimerais bien nager tranquille. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux te battre? Ouais, ouais. C'est quoi cette connerie? C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Bon, c'est quoi cette connerie? Je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure. Et il paraît que cette famille. Enfin, en tout cas, je crois. T'as commencé à me faire chier, hein? Je crois que j'ai jamais mangé de poisson de ma vie. Ouais, mais moi non plus! Ah, dis donc, monsieur le crache de service. Alors va te faire foutre parce que j'appelle les flics autrement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah parce que vous commencez à me faire chier, mais c'est n'importe quoi, non? Détends-toi. Surtout pour des conneries. Respire à fond. Ouais, ben moi aussi je vais me détendre. Il est optimisé pour être top au moment du concours. Ah oui? Bande de tricheurs, on ne trafique pas le vin. Non, non. Donc c'est une sacrée accusation. Hé, hey, machin, attends. Quoi? J'ai quelque chose à te dire. Du vrai, vous pêchez sur la télé. Ben quoi, la fête est finie? Ouais, bon, vous commencez à m'emmerder, ça suffit, hein. T'en veux pas? Bon, je raccroche et puis on n'en parle plus, hein. Voilà. Au revoir, tout le monde. Au revoir, au revoir. Je n'ai pas tout à fait compris ce qui s'était passé. Ah bah non plus, mais en tout cas, le monsieur... Avec le téléphone du type. Il était très content de parler à... Très content, Jean-Michel. C'est une belle rencontre, hein, quand même. Ah, quand tu me fais chier. Et puis il avait belle voix, lui. Hein. Oui, une belle rencontre. Ah, magnifique. Voilà, encore un qui va appeler la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé. Alors ce matin, il va expliquer à la police... Premier The Voice avec la belle voix qu'il a. C'est un poisson qui va... Qui le dérange au téléphone. Il y a un poisson qui n'arrête pas de... Ouais, je me fais agresser avec les nageoires. Ouais, c'est nageoire, ouais. Oui, il y a un poisson qui m'appelle. Je ne sais pas ce qui se passe. Un problème de... C'est étrange. J'ai un problème au téléphone. Un poisson qui me dit qu'il perd la mémoire. C'est bien ça, c'est le poisson teubé, Dory. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Vrai que ça doit être marrant cette histoire-là. Ouais. Bon, voilà. Si vous avez des enfants, ça peut vous intéresser. Ouais. Si vous ça sort aujourd'hui, oui. Si vous n'en avez pas, vous pouvez. On va l'aller quand même. Aussi. Hein. Oui, retrouver votre âme d'enfant. Et sinon, attendre que ça passe à la télé. Ouais, c'est ça. Ou... Parce que ça, on y a droit dans un an à la télé. Hein. Ouais. Le monde de Dory. Voilà. Ouais. C'est le réveil de Jean-Michel. Jean-Michel, réveillé dans un instant. J'espère que vous êtes bien réveillé car on va jouer ensemble à vous offrir de l'argent ce matin. Jour des soldes. Vous avez peut-être faire les soldes aujourd'hui. Tiens, dites-nous si vous allez acheter des trucs, si vous avez prévu un petit budget. budget pour acheter des trucs ce matin, ce que vous voulez acheter. Est-ce que vous êtes déjà sur tous les sites où ça solde? Est-ce que vous allez tout à l'heure vous jeter dans les magasins? Faire comme tous les ans, là, ils vont montrer. À la télé, ouais, les gens qui passent sous les rideaux, là. Ah ouais, les malades. Mais tu, vous remarquerez, c'est toutes les fois les mêmes images. Oui, c'est vrai. C'est pas télémytho du tout. Hein. Non, mais c'est pas cher. Hey, tu récupères les images il y a 3 ans des soldes d'été. Ça passe. Tous les ans, t'as le rideau qui se lève et t'as les gens qui s'assoient sur les machines à laver. Faut juste et ceux qui se battent pour attraper une télé. Ouais, faut éviter juste qu'ils se trompent au niveau des images, qu'ils reprennent pas des images des soldes d'hiver, ça se voit là. Ouais, ça se voit. Ouais, t'as les mecs en bonnet, avec les doudounes. Bonnet, doudoune. Oui, j'ai acheté une doudoune pour partir en vacances. Ah, bah oui, pour cet été, c'est parfait. Bon, tiens, les soldes, vous nous faites signe, vous nous dites ce que vous pensez acheter. Si vous allez acheter des trucs, combien vous allez mettre là-dedans? Et nous, on vous offre un petit peu d'argent. Les soldes, vous allez pouvoir les faire avec Skyrock. Et le son, qu'est-ce qu'on a prévu, Romano? Rihanna, Diamond in the Sky. Ah, ouais, avec les places pour Rihanna à gagner tout à l'heure. C'est sur Sky aussi, même toute la journée. Rihanna, petit Diamond in the Sky à 6h13. Tous les matins. Morning Show. Hi, this is Rihanna and I'm on Skyrock. Le morning Daddy Fool, 6h-9h sur Skyrock. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sunrise. I saw the life inside. So shine bright to we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. To the universe as we moonshine and Mali, feel the warmth will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight I felt the energy of surrender. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine. 6h16, 17 même pratiquement sur Skyrock. Diamonds in the Sky, on écoutait Rihanna. Rihanna a gagné tout à l'heure dans la roulette. Vos places pour la finale aussi aujourd'hui. La finale de l'Euro. Finale de l'Euro à gagner. Et là, on va jouer ensemble pour vous offrir de l'argent. Et bien, c'est les soldes aujourd'hui. Vous allez avoir besoin de sous. Nous aussi, ça tombe bien. Et on va jouer avec vous tous et vous toutes. Cédric, d'un côté, il va jouer contre vous puisque c'est son grand jeu qui arrive. Ah, cool. Et oui, vous allez devoir vous mesurer à Cédric. T'aimerais bien gagner de l'argent à ton grand jeu, Cédric. Ah, j'aimerais bien une fois, ouais. Eh bien, j'aimerais bien, bien une fois. Une fois. Eh bien, c'est peut-être pour ce matin, on sait jamais, hein. Préparez-vous. J'espère. Alors, je vais voir les shorts de bain aujourd'hui. Ah, vous avez prévu d'acheter des trucs. Bonjour à Curtis. Shorts de bain. Bah ouais, faut commencer à penser au truc d'été. Direction les Canaries. Et j'ai un budget de 300 euros maximum. Ah, vous pouvez vous faire au moins 300 euros. C'est déjà arrivé dans le jeu de Cédric, hein. Oui, et puis 300 euros pour un short de bain, je pense que ça va aller, oui. Ouais. Vous allez pouvoir gagner des sous, là. Moi, on va acheter toutes choses pour l'appart étudiant qu'on va avoir. Dave sur SMS. Des baskets, des t-shirts, 110 euros maximum. C'est le budget de Blaise, 23 ans. Un Godapil pour Clément de Sucy en Brie. Regarde bien si c'est soldé, hein. Oui, c'est bien. Les piles, c'est moins dangereux qu'un God électrique. Très bon choix, là. Levé depuis 6 heures, car je suis prête pour les soldes. Voilà. Sandra du 21 qui nous laisse un message. Ça va solder du côté de la Bourgogne. On regarde à vous. Oui, normal. Ah ouais. Nous dit Marie, je suis prête. Les soldes, c'est la base. La base. Non, mais je sais qu'il y en a certaines et certains qui sont surexcités dès ce matin. Ouais. Oh oui, les soldes, nous dit Camouille, 16 ans. Avec un oui, avec oui, les soldes. Des baskets au moins pour les soldes pour, c'est un gars du Nord, c'est Made In, 28 ans dans le Nord, qui a prévu d'acheter des trucs. Un parapluie pour ce magnifique temps. Ouais, ça, c'est pour les gars et les filles du Nord-Ouest avec des orages. Ouais, c'est ça. Ou alors, s'il y a du soleil, ça sert de parasol. Exactement, le parapluie peut servir de parasol. Double et ça, c'est pas cher. Ouais, une ombrelle. Ombrella, c'est. Allez, c'est parti pour la question. Voici la question qui vaut déjà 50 euros. Donc vous gagnez déjà 50 euros en répondant à la question. Et après, vous multipliez ces 50 euros en marquant le maximum de points contre Cédric. Ouais. On va parler euro. Et oui, on est à fond dedans. Euro et grève. Il n'y a pas que chez nous qu'il y a des grèves. Une petite question sur les travailleurs d'un pays qui se mettent en grève pile poil pendant les matchs, mais juste pendant le match. C'est-à-dire que pendant 2 heures, t'as par exemple plus d'avion. Parce que les contrôleurs aériens se mettent en grève et regardent le match de foot. Ils ont trouvé la bonne combine pour regarder tous les matchs. Même chose avec les métros de la plus grande ville du pays qui sont mis en grève pendant le match l'autre jour aussi. Mais de quel pays je vous parle? C'est pas la France, hein. Y a pas que nous qui avons des grèves. Les autres aussi, ils en ont des grèves. Le pays, je peux vous donner un petit indice. Tiens, c'est un pays qui joue ce soir. Ah, je n'en dis pas plus. Bah, non. Quel est le pays qui joue ce soir dont les travailleurs se mettent en grève pile poil pendant les matchs de leur équipe nationale? Si vous avez la bonne réponse, vous nous laissez ça au 41 759 ou sur l'appli Skyrock. C'est pas les Anglais. Non, j'ai parlé de l'euro. Je vois Charlie qui est pas très bien réveillé ce matin, qui nous dit le Brésil. Non, Charlie. L'euro, l'Argentine aussi pour Draco. Ah non. Mal réveillé aussi ce matin. Quel est ce pays? Vous envoyez vite ça pour 50 euros et après pour jouer contre Cédric et multiplier cette somme pour gagner plein d'argent et aller faire les soldes. Eh bien, on peut le dire grâce à Skyrock ce matin. Eh oui. Allez, bonne chance à vous. Il est 6h20. On vous souhaite une bonne journée. On prépare My Poster pour I Took a Pill in Ibiza. C'est l'été. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Rihanna. Un mois avant le raz-de-marée Rihanna. Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. Are you guys ready? Exclusive. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet. Grand Stade de Lyon le 19. Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23. Stade de France à Paris le 30 juillet. This is Rihanna. Rihanna, l'anti-world tour. Avec Big Sean en première partie. C'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Skyrock. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Avec Pierre qui court de rayon en rayon. Oui, ce sont les soldes chez Decathlon et il en profite. Randonnée, fitness, basket et j'en passe, il y a des petits prix pour tous les sports. Attention, Pierre sort du magasin essoufflé mais heureux. Oh, belle performance ! Decathlon, à fond la forme. Soldes selon date légale du département sur produits signalés en magasin ou sur decathlon.fr. Qui habille colore la vie. Les filles, aujourd'hui, vous allez être folles de joie. Oui, les soldes d'été sont chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles. Jusqu'à moins 70% pour relooker toute votre tribu. Les soldes d'été chez Kiabi, même les hommes vont se lâcher. Yes! Offre valable sur articles signalés du 22 juin au 2 août. Date selon décret, conditions magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Le morning de Diffoul. The morning show. 6h, 9h sur Skyrock. I took a pill in Ibiza. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs, sad songs. Darling, oh, I know sad songs, sad songs. Full. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et ouais, on est là, et on est là en ce jour des soldes, en ce jour de chaleur et de canicule. Ça y est, il fait chaud, il fait beau. Ouais. Vous aurez votre météo dans 5 minutes si vous n'êtes pas encore au point là-dessus. Vous saurez tout, et on a avec nous Kevin qui nous appelle du 62. Bonjour Kevin. Salut du fou, salut toute l'équipe. Salut Kevin. Salut Kev. Bienvenue à toi, salut Kev. Hey, c'est Kev. Hey, alors Kevin, on a posé une petite question. On parle de grève et d'euro. Il n'y a pas qu'en France qu'on se met en grève. Par contre, il n'y a qu'en France qui a l'euro. Mais quel est le pays dans lequel on se met en grève, spécialement pendant les matchs de l'euro, les matchs de leur équipe nationale? Il y a une grève de métro. C'est chez les Italiens, ouais. Grève des métros, grève des contrôleurs aériens. Il y a notamment, c'était lors du dernier match, à 2h du coup d'envoi de la rencontre, grève. Les contrôleurs aériens arrêtent le trafic, ils reprennent le trafic juste après le match à 17h. Ok, c'est bon. Des centaines de vols annulés, rien que pour qu'ils regardent le match. Là. Et ouais, mais c'est ça l'Italie. Il y a une autre grève pendant Italie-Belgique aussi, c'était lundi dernier, les bus et les métros avaient tourné au ralenti pendant le match dans toute la ville de Rome pour le 2-0 contre la Belgique. Eh bien oui, les Italiens ils sont pas cons, ils ont trouvé une bonne idée pour regarder les matchs de foot. 2 heures de grève, allez hop. Et, hop, pas bêtes, hein. Et toi ça te rapporte déjà 50€. 50€. Ah, super. Quoi voilà. Qu'il arrive, tu les garderas ceux-là. Tu les as, donc tu pourras t'acheter des trucs, nickel. Faire les soldes, mais c'est pas fini parce que maintenant tu vas jouer contre Cédric. Ouais. T'as 30 secondes pour marquer un maximum de points. Plus que Cédric pour le battre. Eh ouais. Oui, il faut essayer. Si c'est le cas, eh bien on multiplie le nombre de points par 50€. Imagine tout l'argent que tu peux gagner, Kevin. Ah, ah nickel. Et en plus, je vais mettre une raclée à Cédric. Ah, ça, bah, j'espère. Ah, t'es chaud ce matin, toi, Kevin. C'est pas gagné, mon pote. Hein. Eh ben, c'est pas gagné, mais dans quelques secondes peut-être. Attention, attention, c'est allez. L'heure du grand jeu, il est 6h26. Cédric, quand on lui touche le museau, il ouvre la gueule. Et si on jette de la nourriture, il la referme aussitôt. Hop. D'une certaine manière, il comprend que c'est ce qu'on attend de lui. Le morning de Nifoul sur Skyrock. Eh oui, donc tu vois à qui tu as affaire, Kevin. Attention, attention. Il comprend plein de choses. Enfin, bah, plein. Bah oui. Plein. Manger, par exemple. Moi, ouais, je maîtrise parfaitement ce domaine. On va commencer avec toi, Cédric. T'es prêt? 30 allez, secondes vas-y. Pour toi, Cédric. Allez, Cédric, 30 secondes. 3, 2, 1. Top question. Top question. Allez, question star. Quel est le chanteur qui a fait une chute hier en plein concert? Ah ouais, drôle. Justin Bieber. Justin Bieber. Non, il s'appelle Justin Bieber. Mauvaise réponse. Ah. Euro 2016. Quel attaquant anglais a fait des implants capillaires pour 30 000 euros? Wayne Rooney. Bonne réponse, un Cédric. Point. Imitation. Imite-moi Nicolas Sarkozy. Bah, imite Nicolas Sarkozy. Je sais pas. Bah, bonjour, bonjour, va te faire enculer. Ah, cache-toi, ouais, bah, cache-toi, pauvre con. Bon, loupé. Bon, ah, là, bon ça bah, fait un point. C'est bon, c'est fini. Ah, ouais, un déjà, point. Ouais. Ah, mais c'est fini. Dommage. Bah, bon, alors, c'est quoi, Cédric. Ce alors, Justin Bieber, c'est cassé la gueule. Ce n'est pas Justin Bieber. C'est là, Justin c'est Bieber qu'on dit. Ah, bah, c'est bon alors. Ah, non, non, non. Ah, bah, non, c'est pas bon. Bah, oui. C'est pas. C'est pas Justin Bieber. C'est dur, c'est dur. Comme si je vous demande qui a été en concert avec Skyrock dans les plus grands stades de France au mois de juillet, que vous me répondez Ryano. Ouais, voilà. C'est Ryano ou Ryanair. Ça marche pas. Bon, il s'est cassé la gueule, j'ai pas vu. Mais... Ah, elle est excellente la vidéo parce qu'en fait, sur la scène, il y avait un trou, tu sais, par lequel il devait monter ou descendre. Ouais, ouais. Et en fait, il avance, tu sais, ça fait comme les défilés de mode, il y a une espèce de long truc. Oui. Il avance et en fait, mais en plus, sur la vidéo, tu vois qu'il regarde le trou. Il avance et tout ce con, il avance tout doucement et il tombe dans le trou. Mais genre, il disparaît, tu sais. Il est là. Hey, baby, comme s'il y avait une trappe. Et là, tu as tombé blanc. Alors, il faudrait mettre la vidéo sur les réseaux. On va la mettre. Et on vous la met tout de suite. Alors. Une belle vôtre. Combien il faut battre, Kevin? Un point. Tu penses y arriver? Ouais, j'espère. Allez, on va commencer avec une question star après la chute de Justin Bieber. Voici ta question et 30 secondes tout de suite. Allez, 3, 2, 1, top question. Top chrono. Quel est le joueur qui est le meilleur buteur de l'équipe de France avec 2 buts? Griezmann. Non, Payet. Ah, Payet. Et ouais, quel est l'attaquant portugais qui a eu moins de chance? Il a tiré 20 fois en 2 matchs. Portugal. Sans marquer un but. Cristiano Ronaldo. Bonne réponse. Un point. Imite-moi un pigeon. Bien joué. Héros, Zorro est-il un justicier américain, argentin ou espagnol? Zorro. Espagnol. Non, il est américain, Zorro. Américain. Bon, pas mal. Bah, ça fait quand même 2 points. Ah ouais, pas plus. Ah bah non, hein. Ah, t'as que 2 points, dis-toi. 2 points, ça fait 100 euros plus la question de sélection, 150 euros. Ah ouais, tu t'es trompé sur le meilleur buteur, c'est vrai. Ah, c'est bien déjà. C'est Dimitri Payet. C'est nickel, c'est pas mal. J'ai mis une raclée à Cédric. Donc, c'est la journée principale. Ouais, 150 euros à 6h30, ça va, oui. Tu vois, Kevin, il s'en fout de l'argent, ce qu'il voulait, c'est de mettre une raclée. Ah, franchement, c'était limite. Hein, c'était son seul but. Bravo, Kevin, tu viens de gagner. Donc 150 euros quand on va à la maison, tu vas pouvoir faire des soldes. C'est parti. 150 euros pour toi, on te souhaite une belle journée. Salut, Kevin. Merci à vous aussi. Ciao. Salut, Kevin. Du soleil dans le ciel, des températures qui montent et MHD sur Skyrock avec Afrotrap partie 5. Tiens, il y a du soleil là-dedans aussi. Pa, pa, pa, pa, oh, MHD à 6h29. On reconnaît les pavots, on reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. On paraît tout penser de faire, après que ma fée il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Envie ta tenue, mon gars, place au combat. On chie pas de fatigue, paye en caisse. Mon pote qui va gérer mes vêtements. Et ma ça tu prends les mecs de la rue. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hey, mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, que bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Mali. Faut que les jalousies vont pas vite. À 11h, je vis ça avant même. Gardez, appétit, quand je marche la boule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit. Gati appétit, appétit. Gati appétit. Gati appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les couilles si je te plais pas. Me mépriser mes gars sont mes playbacks. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Oh, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Avec du lard, connais pas la propre père. On se titulaire, que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. Quand je veux voir, je la boule à du Brésil. Imbécile, je veux voir loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gati appétit, gati appétit, appétit. Gati appétit, gati appétit, appétit. Gati appétit, quand je veux voir, je la boule à du Brésil. Imbécile, je veux voir loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gati appétit, gati appétit, appétit. Gati appétit, gati appétit, appétit. participer à Faudra Partie 5 sur Skyrock. Bonjour et bon réveil, il est 6h31. Attention, votre météo, vous allez entendre des températures qu'on n'a pas entendues depuis très très très longtemps. On a passé les 35 degrés, on va passer les 35 degrés aujourd'hui. C'est la folie. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va faire super chaud. Et qu'est-ce qu'on voit à la une des journaux ce matin? La taxe soda est de retour. Ils ont vraiment trouvé le jour. Le gouvernement, ils sont pas bien au niveau du timing, je trouve. Il y a des trucs qu'il faut pas annoncer au mois de juin. Le premier jour, on va se choper des températures qui déchirent. La taxe soda est de retour. Qu'est-ce que c'est ça? Ils vont encore mettre des taxes sur le coca et tout ça? Sans doute. Une nouvelle super idée. Une super idée. Oui, annoncez-le la prochaine fois au mois de décembre, quand personne n'a rien à foutre. quand personne a soif, c'est une meilleure idée. Bon, on en reparle peut-être dans les infos. En tout cas, on va tout savoir avec Rémi. C'est l'heure de l'actu à 6h32. C'est parti pour la météo pour aujourd'hui. Écoutez bien, le temps du jour, enfin du soleil, enfin l'été. Eh oui, l'été qui s'impose ce matin quasiment partout, du soleil pour tout le monde, sauf malheureusement dans un bon quart nord-ouest où là les nuages persistent encore ce matin et en plus ils vont amener des orages dans l'après-midi. Le ciel par contre restera vraiment dégagé partout ailleurs. Les températures ce matin comprises dans le nord entre 13 et 18 degrés, 15 à Lille et 18 à Paris, de 14 à 19 dans le sud, 16 à Lyon et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 20 à Cherbourg, 24 à Caen, 26 à Marseille et à Lille, 27 à Beauvais, 28 à Nantes, 29 à Paris, 31 à Poitiers, 32 à Bordeaux et à Lyon aussi, et 34 du côté d'Angoulême. La pollution, c'est moyen. Les indices compris entre 3 et 5, 5 à Nantes, Pau, Auxerre, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulon. Voilà, et 36 degrés à Pau, tu nous as dit tout à l'heure. 36 degrés à Pau, bon courage. Ouais. Allez, c'est parti pour l'actu tout de suite. L'actu et le sport et l'euro. Le coup d'envoi des soldes d'été ce matin, c'est parti pour 6 semaines de bonnes affaires, aussi bien dans les magasins que sur internet. Une période attendue forcément par les clients, mais aussi par les gérants de commerce. L'année n'est pas très bonne pour l'instant, notamment à cause de cette météo qui parfois peut conditionner notre envie ou non de faire du shopping. Ça commence fort par endroits, -40, -50% attendu dès ce matin, fin des soldes le 2 août. Un accord trouvé chez Air France, le futur PDG a rassuré les syndicats qui ont levé leur préavis de grève pour ce week-end. Non, les salaires ne vont pas baisser. En contrepartie, les pilotes s'engagent à ne pas faire de mouvement social au moins jusqu'au mois de novembre. 60% des Français opposés à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Résultat d'un sondage publié ce matin par Opinionway, le référendum est prévu dimanche en Loire-Atlantique. Il pourrait encore être annulé par le Conseil d'État. La haute juridiction doit examiner de nouveaux recours déposés par les opposants du projet. Un scandale dans un décathlon en Normandie. Un individu diffuse sur des sites porno des vidéos volées de clientes en train d'essayer des maillots de bain dans des cabines d'essayage. Une plainte a été déposée et l'enseigne confirme l'information. Il s'agirait d'un client en passe d'être identifié. Sur les vidéos, on peut voir les visages et les poitrines des victimes qui sont parfois mineures. Ah bah c'est bien, c'est dis donc. C'est chez Décathlon. Eh oui, Décathlon en Normandie. Les pauvres. Bon, ouais. On fait le point sur l'euro. Alors, l'euro et puis la pelouse, des nouvelles des pelouses, tiens. Ah ouais. Oui, on en parlait lundi. Italie-Espagne, ce sera l'une des affiches des huitièmes de finale. La Roja s'est inclinée hier contre la Croatie de 2-1. L'Allemagne a fait le job, mais alors vraiment minimum syndical contre l'Irlande du Nord. Score final à 1-0. La Turquie s'impose 2-0 contre la République tchèque et défaite de l'Ukraine 1-0 contre la Pologne. Dernier match de poule ce soir avec les groupes E et F. On connaîtra dans quelques heures le nom de l'adversaire des Bleus. Islande, Autriche et Hongrie, Portugal à 18h, puis Italie, Irlande et Suède, Belgique à 21h en direct dans la Radio Libre. La Suède qui profitera à fond de Zlatan puisque c'est l'une des dernières fois qu'il portera le maillot jaune de l'équipe nationale. Peut-être la dernière. L'attaquant a annoncé hier qu'il prendrait sa retraite internationale à l'issue de cette compétition. Et puis la pelouse de Lille, une nouvelle fois remplacée. Son état avait été vivement critiqué après le match Suisse-France. Décision prise par l'UEFA qui fera donc venir une belle pelouse toute neuve des Pays-Bas. Ce sera vendredi. Une couche de peinture verte avait été appliquée histoire de marquer, de masquer son état. La misère, ça n'a pas marché. Oui, non, ouais. Elle avait gelé la pelouse. Attention, la nouvelle pelouse arrive. Ouais, attends, j'espère qu'elle va pas geler. Celle-ci, elle vient de Hollande. Ouais, les aventures de pelouse. Mais grave. Ils vont nous sortir une pelouse au cannabis. Là, vous allez voir. Merci Rémi pour les infos. On t'entre dans une demi-heure pour la suite. Il est 6h35 sur Skyrock. 6h09h. C'est reparti pour le morning de Difool. Difool. The morning show. Le morning de Difool. C'est tout de suite sur Skyrock. Et ouais, avec vos places de Rihanna à gagner, avec vos places de foot aujourd'hui, on vous l'a annoncé tout à l'heure dès le début de l'émission. C'est la finale que vous pourrez gagner, restez bien à l'écoute. On essaiera de vous filer les places avant 7h30 ou avant 8h. Allez, on va dire avant 8h. Oui. Place pour l'Euro 2016. Mais les places pour la finale, en plus, place Crédit Agricole qu'on vous file sur Skyrock ce matin. La finale au Stade de France. Ouais, ouais. Et ça marche par deux, hein, pour y aller avec qui vous voulez. Ça va être super, ça. L'Euro à gagner, c'est sur Skyrock. Et dans un instant, on va parler d'amour. Amour et capote. Vous connaissez la taille d'un préservatif XL? Ah bah 18, non, bah, déjà j'ai du mal à en mettre un. 18 pour Car... Oui, Romano, tu t'es jamais posé la question. Non, non, ou alors moi je rentre les boules avec. Moi. Oui. Ah non, mais bah, si, bah, pour, bah si, pour qu'ils tiennent. Eh bah oui, ah. Pourrait. Donc tu penses que c'est 18 pour. Ouais, entre 18 et 21, je dirais. 18 et 21, Cédric. Je sais pas, je dirais 20-25. 20-25. Oh, oh, le prétentieux. Bah quoi. XL quoi. Bah ouais. XL. Ouais, non, mais c'est pas un sac poubelle non plus. Oui, c'est vrai quoi. Jalot, il sera un sac poubelle de 200 litres. Bon, comment mesure une capote taille XL? Et puis vous aurez un chiffre qui va faire plaisir à tous ceux qui en ont une petite là ce matin. Ah bah parfait. Ouais, un chiffre qu'on a trouvé spécialement pour vous, pour mettre de bonne humeur et pour vous aider à bien démarrer la journée. Parce que on parle de préservatif XL et là j'ai pensé tout de suite à toi, Romano. Je me suis dit, mais c'est un sujet qui ne t'intéresse pas. Ah bah c'est plus XS moi. Ouais, c'est ça. Mais on a quand même un chiffre pour te consoler. Ah bah c'est gentil. Donc les gros, les petits, tout le monde est accepté sur Skyrock. Allez, dites-nous aussi si vous avez eu déjà des 2-3 petits problèmes avec des capotes. On va dans un instant s'occuper de tout ça. Trouvez-moi des pharmacies, on va aller faire un tour en pharmacie. Allez. Ce matin. 6h37, on a prévu Justin Timberlake tout de suite. C'est Can't Stop the Feeling. Ça c'est bien alors. Allez, Can't Stop the Feeling. Voilà, bon choix. Et puis n'oubliez pas, dans une demi-heure maintenant, on vous offre 1 500 euros. Des places de foot, des places de Rihanna et de l'argent. Et du bon son. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Can't Stop the Feeling sur Skyrock. On écoutait le son de Justin Timberlake à 6h41. On va faire le classement des supporters de l'Euro les plus sympas et les plus cons dans un instant. On a le classement officiel. Le sondage de 6h50 arrive. Eh bien, à 6h50 ou à peu près. Ce sera tout à l'heure dans ces eaux-là, quoi. Avant ça, on a l'horoscope de l'amour à faire ensemble. Et puis, on va parler préservatifs ce matin. Vous connaissez la taille des préservatifs XL, Cariole, tu nous as dit 18 cm. Ouais, minimum en fait. Hein, après, tu t'es rattrapé, t'as dit entre 18 et 21. Ouais. J'ai le chiffre exact, c'est 21 cm de long et 6 cm de large. Donc ça, c'est bon à savoir parce qu'il y en a qui prennent des capotes XL juste pour impressionner leurs copines. Ils mettent ça dans leur sac. Oh, ils les font tomber. Excuse-moi, ma chérie, je fais tomber mes capotes XL, regarde. Excuse-moi, j'en ai une grosse. XXL, ça c'est pour draguer les filles. Ouais. Le marché, c'est ce que fait Blue d'ailleurs. Après, il y a tous ceux qui ont une petite bite qui nous ont laissé des messages. Gianzo qui dit c'est pas la taille qui compte, c'est le mouvement des vagues. C'est vrai. C'est romantique, c'est joli ça. Tiens, je mets des capotes de taille XL dans des capotes de taille L dans des boîtes XL pour impressionner les meufs. Pas mal la méthode. Ouais, pas mal. T'arrives avec ta boîte XL. Oui, j'ai ma boîte XL et dedans t'as les capotes normales. Pas bête ça, Romano, pour impressionner les filles, t'as vu? Non mais ouf, oui, non mais je suis pas impressionné, Cariole, ma quéquette elle la connaît quoi. Et les capotes standards font en moyenne 16 cm, c'est pour ça que tu prends du XS toi. Non mais moi je prends, on met pas de préservatif nous. Bah écoute, parce que quand tu sors des capotes XS, ça la fout mal. Hein. C'est clair. Non mais c'est pas marqué dessus. Eh ben ils ont bien raison. Parce qu'ils ont étudié d'ailleurs, les trucs. D'ailleurs, je crois XL, c'est pas marqué non plus. Hein. Ils ont pas... Cédric s'est amusé à dessiner le sexe de 21 cm et de 6 cm de diamètre, c'est énorme. Ah oui mais c'est C'est ça, ça fait ça? Ouais, ça fait ça, ouais. Mais Cédric, t'as la quéquette bizarre, parce que si c'est la tienne que t'as dessinée. Non, mais il a dessiné ça avec une règle. Au niveau du gland, ça fait un angle droit. Mais c'est pas le diamètre. Parce que là, t'as fait un trait. Le diamètre, c'est ce qu'il y a autour. Enfin, c'est le rond. Oui, donc, mais c'est ça, à peu près. Mais là, c'est beaucoup trop large, c'est pas bon. Ah, bah, Karim, il se sent frustré, lui. Non, mais le vit pas mal, si, c'est la taille. C'est complexe, là. Tu es beaucoup plus petit. Et attention, le chiffre, pour faire plaisir à tous ceux qui en ont une petite. 89% des femmes disent qu'elles ne font pas attention à la taille du sexe de leur partenaire. Ouais, s'il est pas trop petit, oui, ça va. C'est ce qu'elles disent, hein, en tout cas. Ouais. 89%. Tant qu'elles le sentent. Hein. Voilà, un petit chiffre qui vous met du baume au cœur, hein, bien gars. Sûr. Ah. Bon, oui, là, on est rassurés, dis donc. Bon, on va filer à la pharmacie ce matin. Comment faire quand on ne sait pas quelle est la taille de son sexe? Parce qu'on n'a pas tous mesuré son sexe. Moi, j'ai pas mesuré parce que je sais. Bah, qu'il est géant, oui. C'est ça. Il n'y a pas de règle assez longue. J'ai peur de. Voilà, j'ai pas trouvé de. J'avais un double décimètre, ça pas suffit. Ouais. Et je n'ai qu'un double décimètre à la maison. Voilà. Là, tu veux que je te la mesure? Non, ça va aller. Après, je la dessine sur une feuille. Non, c'est bien. On va faire un petit tour à la pharmacie. On a trouvé une petite méthode pour aller pour savoir quelle est la boîte de capote qu'il faut qu'on achète ce matin. Laquelle acheter? Vous allez voir, facile. 6h44, on y va. Le French Test sur Skyrock. Allez, le French Test, c'est parti. Des pharmacies ouvertes à cette heure-ci. Eh bien, on en a trouvé. Oui, il y en a, ouais. Ils sont de garde. Eh bien, ils vont pas regretter d'être de garde avec notre petit coup de fil ce matin. On va dans quelle ville d'ailleurs, Cédric? Là, on va à Lille. Lille. Pharmacie idéale. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Ça va. Vous avez travaillé toute la nuit, vous? Oui, plus ou moins, ouais. J'arrive pour vous achever. Je suis avec un ami qui aimerait acheter des préservatifs chez vous. Le problème. Vous en vendez des préservatifs à cette heure-ci? Oui, bien sûr, ouais. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas quelle taille prendre. Est-ce que vous auriez une petite cabine d'essayage? Non, on n'a pas, monsieur. Vous avez c'est pas une blague, non? Ah non, pas du tout. Non, mais moi... Il y a M et L, hein, voilà, il y a M et L, il y a deux tailles différentes. Ah classique ou XL, quoi. Vous n'avez pas petite? Non, il n'y a pas. Non. Bon, non, pire, parce... je ferai un nœud ou je mettrai les testicules dedans. Hein. Tu feras un nœud, oui. Je ferai un nœud, alors. Allez. On va vous prendre une taille normale, mais on fait un nœud. Et je ferai un petit nœud au bout, ça sera mignon comme tout. Et prévoyez une cabine d'essayage, comme pendant les soldes, tout ça. C'est important d'essayer les trucs qu'on achète. Hein. Vous êtes qui? Vous appelez comment, monsieur? Moi, je suis D-Fool de Skyrock. D-Fool de Skyrock? Oui, je suis avec un ami Romano qui voulait acheter des préservatifs ce matin. Il ne savait pas quelle taille prendre. Oui, c'est ça. Je voulais acheter des préservatifs pour Cédric qui a un tout petit sexe. Bien sûr. Il ne nous est pas demandé. Oh, t'es gentil, Romano. Pour vous, alors. Je peux vous faire rentrer à l'intérieur. Ah, donc on va pouvoir faire une petite séance d'essayage. Ah, alors. C'est parfait ça. Éventuellement, j'ai peut-être une collègue qui peut s'occuper de vous. J'aurais dû me présenter tout de suite. Alors. Ah, c'est bien, il y a une collègue, son métier c'est enfileuse de capote. Ouais. Tu lui fais une bise de notre part en tout cas. Bon, bah sympa, c'est quoi ton prénom? Jean-Nicolas. Nicolas, on va t'envoyer un cadeau là. Jean-Nicolas. Jean-Nicolas. Je vais t'appeler JN, allez, c'est ouais, parti. D'accord. Bon, JN, tu quittes pas, on t'envoie un cadeau. Puis bah, bon courage pour la fin de la journée alors. Hein. Ça marche. Salut à toi, ciao. Salut. Salut Jean-Nicolas. Salut Jean-Nic. Et bah voilà. Salut tout le monde. On ouvre une cabine d'essayage dans la. Mais bon, c'est réussi, c'est bon. Jean-Nicolas, c'est bien. On a déjà la femme qui s'occupe de ça. Donc c'est parfait. Bah tu vois, il suffit de demander. Bah oui, tout simplement, tu vois, Cédric ne complexe pas. Exactement. Ouais, bien sûr. Ouais. Dans un instant sur Skyrock, votre horoscope de l'amour. Dans une minute même, il arrive l'horoscope de l'amour. Et puis du son, on a prévu quoi là pour la suite? Jay-Z avec Me, Myself and I. Et puis le sondage du jour, quels sont les supporters les plus sympas depuis le début de l'Euro? Les résultats dans un instant, il est 6h46. Brico Dépôt vous présente les deux mots du jour. Carrément solde. Produit soldé? Nettoyeur performant. Grosse pression? 150 bars. Super affaire? 99 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. À partir du 22 juin dès 7h, profitez des soldes Brico Dépôt avec des remises exceptionnelles. Le nettoyeur haute pression 150 bars 2200 watts moteur induction est à seulement 99 euros au lieu de 139 euros. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Liste des dépôts participants sur bricodépôt.fr. Dans la vie, Claire a beaucoup de mal à contenir sa joie. Surtout quand arrivent les soldes. C'est les soldes chez Auchan, gourou! Et oui, aujourd'hui chez Auchan, les soldes, c'est jusqu'à 70% de réduction sur des vêtements et chaussures hommes, femmes, enfants, bébés, mais aussi sur de la déco de la maison, de l'électroménager et sur des produits high-tech. Et les soldes, c'est aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Sur les produits signalés, dans la limite des stocks disponibles. Et c'est parti pour l'horoscope de ce mercredi 22 juin. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Vos puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5 après avoir acheté des capotes, c'est bien de savoir si on va serrer. Hein. Les béliers, les capricornes, qu'est-ce que c'est que ça? On a 0 aujourd'hui, mais pourquoi? Voilà. Il va falloir faire preuve de patience pour séduire, même beaucoup de patience. En gros, il va falloir patienter jusqu'à demain. Oui, voilà. C'est bien pour les béliers et les capricornes, on a 0 sur 5, c'est notre puissance amoureuse du jour. 1 sur 5, les gémeaux, les balances, votre emploi du temps sera chargé aujourd'hui. Vous délaisserez un petit peu l'amour, vous occuperez de tout le reste. Bon, il faut parfois de temps à autre. Gémeaux balance une petite pause en amour aujourd'hui. 2 sur 5, les scorpions et les lions. Une journée pas trop mal pour ce milieu de semaine. Mais il faudrait être réactif pour pas laisser filer les bons moments qui vous attendent en amour malgré votre 2. C'est pas mal les scorpions et les lions. C'est bien pour les sagittaires et les vierges. Vous serez très cool aujourd'hui, sûr de vous en amour. Ça va renforcer votre charme naturel, les sagittaires et les vierges. 4 sur 5, les poissons et les cancers. Oula, Cédric, t'as 4, dis donc. Eh ouais, beau gosse. Vous aurez de la répartie, vous aimez charrier vos proches et ils apprécieront votre petit côté taquin. Eh ben c'est écoute, noté, t'inquiète. C'est mignon. Caca toque. Pardon. Taquin coquin. Taquin coquin. C'est pas facile à dire. C'est les poissons et les cancers. Et 5 sur 5, les Verseaux. Eh ouais. Les Verseaux. Au top niveau. Le jour d'un clash de la drague de ce soir, Romano, t'as vu? Et les Taureaux, vous avez 5 sur 5, une belle rencontre pour les célibataires, une bonne surprise pour ceux qui sont en couple. Tout est possible, en positif bien sûr, hein. Tout est possible en ce mercredi. Verseau, Taureau, éclatez-vous comme des fous et comme des folles ce matin. Ouh. Et dans un instant, les supporters les plus sympas et les plus cons aussi. Oui, on a tout. Ouais, on a le sondage du jour, il est 6h49. Je m'appelle G-Eazy, le matin, j'écoute Skyrock. The Morning Show. As I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks about this modesty. I just need space to do me, get a word what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying 3. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. And I don't like talking to strangers. So get the f*** off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go ape. Say f*** out of all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous. But I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my anger. So I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly. This is lovely, this ain't random. I didn't get lucky, made it right here cause I'm sick with it, Cuddy. They all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, I don't need a handhold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. I laid awake, pray the Lord my soul to take. My heart's become too cold to break. Know I'm great, but I'm broke as hell. Having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now, yeah, it's no debate. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a handhold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. Myself and I sur Skyrock. Jeezy qui était venu nous voir. Jeezy, sympa comme tout. Il avait chanté en plus avec toi, Romano. Me, Myself and I. Enfin, tu lui avais fait une petite démo. Non, mais ouais, quand j'avais fait les refrains. Oui, ouais. Petite démo rapide. J'avais fait la meuf, là, bébé Rexa. Ouais, tu faisais très bien la meuf. Romano fait très bien la femme. Hein, ah ouais, magnifique. Si vous êtes un peu en galère ces temps-ci. ça peut dépanner. Skyrock, le 01 53 40 30 20 pour nous appeler, prendre rendez-vous avec Romano. N'hésitez pas. Sans problème. Ouais, on va parler des supporters. Alors, vous êtes peut-être dans une ville de l'euro. Si vous êtes dans une ville de l'euro, vous avez croisé des supporters. Parfois, c'est sympa, parfois, c'est pas sympa. Bon, en général, ça se passe plutôt bien, c'était plutôt plaisir de voir tous ces étrangers avec leurs maillots qui se baladent dans les rues. Moi, je suis content, j'aime bien. Vive l'euro. Et n'oubliez pas, les places pour la finale de l'euro, c'est à gagner avant, j'ai promis avant 8h, faut que je tienne ma promesse. Avant 8h du matin, je vous pose une question et vous gagnez votre euro, votre finale de l'euro avec le Crédit Agricole et Skyrock tous les matins dans le morning en vous réveillant avec nous. La finale du Stade de France. Ouais. Ce matin, c'est pour vous. Ouais. Alors, le classement des supporters, bah, les plus sympas d'un côté. Bah, je dirais les Irlandais. Eh bien, avec les vidéos, tout ouais, ça, bah c'est vrai qu'ils sont sympas, eux. Eh bien, je peux vous donner un indice. Les deux premiers pays commencent par un I. Islande. Oui, ouais, le deuxième, aussi. L'Islande. Premier, les Irlandais. Et deuxième, les Islandais. Les Islandais, vous savez qu'il y a 6% de la population islandaise en France. Ah ouais? 6%. Autrement dit, là-bas, il n'y a quasiment plus personne. Ouais, il y a 60 000 Islandais qui sont venus voir les matchs, qui sont venus faire la fête. C'est la folie. Ah, mais c'est bien. C'est la folie. En plus, ils se qualifient, tout va bien pour les Islandais. Ouais, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mal. Bon, les Irlandais du Nord sont les premiers. Bah, c'est, oui, on les a écoutés lundi avec leur super chanson. Ah ouais. La chanson pour les policiers. Bah, déjà, le tube, on peut le dire. On peut le dire. Stand up for the police. Stand up for the police. For the French police. Numéro 1, les Irlandais, avec leur très belle chanson. On risque de se retrouver contre eux d'ailleurs en 8e. C'est possible. C'est parti, c'est possible. Police, stand up for the French police. Numéro 1, les Irlandais du Nord. Numéro 2, les Islandais. Ah, on est classé. Les Français, on s'est quand même classé nous-mêmes. On est troisième. Ça mérite quand même. C'est chez nous l'euro. Troisième. Les Belges, les Italiens sont juste derrière. Après, on trouve les Espagnols, les Suisses. Voilà pour les équipes les plus sympas. Alors, les plus cons maintenant. Les Russes. Les supporters les plus cons. Ouais, les Russes. Ouais. Ah bah ouais. Alors, il y a un auditeur qui n'était pas d'accord. Il disait quand même les Russes sont super sympas. Ils t'offrent des chaises sur la gueule. C'est vrai. Alors, c'est quand même pas tous les supporters qui t'offrent des cadeaux. Hein, tu croises un Russe, éventuellement, le mec te pète une chaise sur la gueule. C'est vrai.

pas des sons pour le fun, ils ont la mort. Je me vois partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Du mal à sortir mes émotions. Je roule en bolide at motion. Du mal à sortir mes émotions. Je roule en bolide at motion. Du mal à sortir mes émotions. Je roule en bolide at motion. Faut pas qu'on me laisse. Du mal à sortir mes émotions. Faut pas qu'on me laisse. Je roule en bolide at motion. C'est Jules et c'est à pas louper sur Skyrock dans Planète Rap, l'album de Jules qui sort vendredi. Il est déjà à découvrir sur Skyrock tous les soirs et vendredi il y aura une soirée exceptionnelle. Il a fait des titres spécialement pour Skyrock. Il a fait l'album. Ouais, c'est ça. 30 minutes de freestyle vendredi soir de 20h à 21h dans Planète Rap. Que des inédits à découvrir sur Sky et à pas louper. Et dans la radio libre, il vient de nous voir aussi demain soir, je crois, Jules. Peut-être ce soir, c'est avec Jules, on sait jamais, avec nous, c'est pareil. Ouais. Donc les deux mélangés, tout peut arriver. 21h minuit, Jules avec nous dans la radio libre et 20h-21h. Ça, c'est sûr, ce soir, demain et vendredi. L'album à découvrir, il est 7h02 avant 8h. Je vous dis ça si vous vous réveillez. Les places pour l'Euro à gagner. Et ce matin, on fait fort, c'est la finale. Ouais, la finale carrément. De l'Euro. Avec le Crédit Agricole, on vous file vos places. Tenez-vous prêts. Une question, j'ai promis avant 8h, donc je suis obligé de m'y tenir. Avant 8h du matin, vous gagnez vos places de foot pour la finale de l'Euro. Ça, c'est un super. Vous avez des trucs que j'aimerais bien gagner quand j'écoute l'émission. À peu près tout, d'ailleurs. Mais ça, particulièrement, ça peut être sympa. Hein. C'est clair. Ah ouais. Bon, j'ai le droit de jouer ou pas? Non. Bah, tu peux toujours essayer. Bah, essaye, ouais. Bah, je peux pas. Compte sur moi pour te sélectionner, bien sûr. Ah, c'est très gentil, Romano. C'est gentil. Je te souhaite bonne chance pour tes conseils pas chers de dans 10 minutes. Ouais, ouais. On va parler argent et billets. Oh, et ça, c'est vraiment étonnant. Venant de toi, Romano. Qu'on parlerait coiffure. Non, non, mais on va parler cash, les billets. Très bien. Argent, billets. Vous aimez l'argent, vous aimez les billets. Restez sur Skyrock, 7h10, vos conseils pas chers. Oui. Et vous aimez l'argent, mais restez là aussi, parce qu'on a 1 500 € à vous offrir dans un instant, juste après les infos de Rémi. On vous appelle, vous répondez Skyrock quand on vous demande quelle est votre radio préférée. Et c'est gagné. Et puis Florida qui arrive aussi. My house. Bien joué, Rémi. Oui. Et puis Silento avec Watch Me, parce que ça, j'aime bien, je trouve watch ça. Me, watch mais me. La pêche. Watch me, néné. Watch si, me, si. Néné. Mais avant ça, les infos et la météo pour aujourd'hui, bah, comme promis. Ça monte au niveau des températures. Ça monte, c'est vrai. 14 à Poitiers ce matin, 15 à Lille et à Nantes, 16 à Lyon et au Mans, 18 à Carcassonne et 19 à Marseille dans l'après-midi, 22 au Havre, 25 à Quimper, 26 à Marseille et à Lille, 27 à Alençon, 28 à Strasbourg, 29 au Mans et à Paris, 31 à Auxerre, 32 à Lyon et 34 à Périgueux. Et oui, l'été est arrivé pour presque tout le monde, presque, hein, parce qu'il y a encore des nuages sur un bon quart nord-ouest ce matin et puis même des orages prévus cet après-midi, mais partout ailleurs, eh bien, c'est le soleil qui va s'imposer. La pollution, c'est très moyen. Les indices compris entre 3 et 5, 5 à Nantes, Pau, Auxerre, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulon. Et l'actu, toute l'actu maintenant, c'est parti avec bah, toi Rémi, et puis on parlera évidemment de l'euro. Hein. Deux itinéraires proposés aux autorités pour empêcher les débordements. On ne sait toujours pas à quoi va ressembler la manif anti-loi travail de demain. Les négociations ont commencé il y a 24 heures, mais aucune réponse n'a été donnée. Les syndicats refusent toujours un rassemblement statique dans la capitale. Un accord trouvé chez Air France, le futur PDG a rassuré les syndicats qui, du coup, ont levé leur préavis de grève pour ce week-end. Les salaires ne vont pas baisser. En contrepartie, les pilotes s'engagent à ne pas faire de mouvement social au moins jusqu'au mois de novembre. Un drame familial à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un homme a tué sa femme et ses deux enfants de 12 et 15 ans avant de retourner l'arme contre lui. Le père de famille a laissé une lettre qui accrédite la thèse du suicide. Il s'agit d'un ancien militant Les Républicains qui voulait se présenter aux élections municipales. Il était en très grande difficulté financière et sa femme envisageait une séparation. Un scrutin qui s'annonce très serré. C'est demain que les Anglais doivent venir si oui ou non, ils souhaitent rester au sein de l'Europe. Un vote historique qui pourrait avoir de lourdes conséquences économiques pour le pays, mais aussi pour toute l'Union Européenne. Un collectif de 34 grands patrons français a publié une tribune dans la presse britannique et demande aux électeurs de voter en faveur du in. Les derniers sondages donnent le in et le out au coude à coude, avec un petit avantage tout de même pour le maintien. Et on va parler Euro maintenant, mais Euro football. Et puis la pelouse va être changée, mais aussi du basket à retrouver. Ouais, Italie-Espagne, ce sera l'une des affiches des huitièmes de finale. La Roja s'est inclinée hier contre la Croatie de 2-1. L'Allemagne a fait le job sans briller contre l'Irlande du Nord. Score final 1-0. La Turquie s'impose 2-0 contre la République tchèque et défaite de l'Ukraine 1-0 contre la Pologne. Dernier match de poule ce soir avec les groupes E et F. On connaîtra dans quelques heures le nom de l'adversaire des Bleus. Islande, Autriche et Hongrie, Portugal. Portugal à 18h, puis Italie-Irlande et Suède-Belgique à 21h en direct dans la Radio Libre. Et la... notre opération pelouse fonctionne, Romano, t'as vu, hein, ça y est, les pelouses, ils les changent à la suite de nos conseils. Ah bah c'est grâce à nous sans doute. Ouais, la nouvelle, elle vient d'où? De Lille, enfin elle va être changée à Lille, mais elle vient des Pays-Bas, elle sera changée vendredi, donc... Une nouvelle pelouse. Ouais, ils avaient mis de la peinture verte, donc ça faisait un petit peu désordre quand même. Voilà. Ah bah ça fait craignos, c'est vrai. De l'herbe de Hollande, tout me semble normal. Hein. Ouais, ah oui, voilà. Ouais. Bon, des nouvelles du mercato aussi. Ouais, Lucas, va-t-il ou non quitter le PSG? Le Brésilien a fait une belle saison et il pourrait désormais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Liverpool serait prêt à... Vous n'allez pas laisser partir... Mais vous êtes fou le PSG, vous. Vous allez laisser partir Lucas? Après avoir laissé partir Zlatan, non, mais ça va, Lucas, Laurent Blanc, mais il ne va plus rester personne dans votre équipe. T'inquiète, il va y avoir des recrues. Vous allez finir en Ligue 2 les prochaines. Oui, au moins, ouais. Bon, en tout cas, Liverpool serait prêt à tout pour se payer le milieu offensif. Sky Sports croit savoir que Klopp, là, vraiment, est prêt à mettre le paquet. Puis du basket avec une mise en jambe difficile hier soir pour les Bleus. Tony Parker et ses coéquipiers préparent le tournoi de qualif olympique qui aura lieu à Manille du 5 au 10 juillet. Et bien, défaite contre la Serbie, 77 à 79 en match amical. Les hommes de Vincent Collet pourront prendre leur revanche samedi à Belgrade. Vous avez vu, il n'y a pas que du foot, il y a aussi du basket. Bah ouais. Et ouais. Non mais vous faites partir tous ceux qui sont rigolos. Laurent Blanc et ses conférences de presse, Zlatan et ses zlataneries. Et oui. Et puis Lucas et son champion mon frère. Non mais c'est pas possible. Champion mon frère. Et oui, bah oui, mais c'est ça, c'est le remaniement pour gagner la Ligue des Champions. Le remaniement, très bien. Non mais c'est vrai qu'après il a raison, il y a des choses qui se profilent. Par exemple, Unai Emery, là, il pourrait venir avec le mec, là, quel nom imprononçable, la Grégory Krychowiak, là. C'est vrai qu'il a fait une énorme saison avec... Vous échangez Zlatan contre Grégory Krychowiak. Ouais, mais il est très bon, lui. Hein. Mais c'est qui, ce monsieur? C'est un mec qui joue à Séville, mais il cartonne. Hein. Ouais. Très bien. Bah, écoute, on verra ça. De toute façon, on verra l'année prochaine. Pour l'instant, on est à fond sur l'Euro. Perso, de toute façon, je m'en fous, je supporte CR. Ouais, et puis tu supportes l'équipe de France, Romano. Hein. Et allez les Bleus. Et allez les Bleus, tu vas aller les voir en finale? Bah ouais. Bah ouais, on aura les places avant 8h du matin sur Sky, promis. Il est 7h07 sur Skyrock. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et c'est le morning de Default. The morning show! En direct sur Skyrock. Ah, vous êtes plein à nous demander, mais comment on fait pour gagner les places de l'Euro? C'est le message de Debo et puis Vincente aussi qui nous laisse un message. Comment on fait pour jouer pour les places? Facile. Vous attendez que je vous pose une petite question. Tout à l'heure, je vous pose la petite question. Vous y répondez le plus vite possible au 41-759 ou sur l'appli Skyrock et vous gagnez vos places pour aller voir la finale de l'Euro avec le Crédit Agricole et Skyrock. Ce matin, vous file vos places à ne pas louper avant 8h. Dans 10 minutes, 10 minutes à quart d'heure, on jouera à Info Mytho. Ça veut dire que vous allez gagner votre télé. La dernière Samsung est à gagner. Romano est en train de se préparer pour ses conseils pas chers. Oui, c'est ça. Là, je vais vous parler de billets. Je sais. Tu vas nous parler de billets dans un instant. En particulier, les billets de 50 euros. Et ça, tu les aimes bien parce qu'ils sont plus gros que les 5, les 10 et les 20. Ah bah choisir, oui, je préfère un billet de 50 balles qu'un billet de 5. Quoi. Eh oui, vous avez vu. Parce que les billets de 50 euros vont changer. Il n'y a pas de billet de 1500 euros. Hein. Non, pas encore. Non. C'est con. Hein. Non, il n'y en a pas. Bon, nous, on va vous offrir un chèque alors. 1500 euros à gagner avant les conseils pas chers. C'est parti pour vous. 1500 euros sur Skyrock à 7h08. Le jeu des 1500 euros. C'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Et on ouvre l'enveloppe. Je vais découvrir avec vous où est-ce qu'on va aller ce matin et à qui on va offrir de l'argent. Si vous êtes en région parisienne, c'est peut-être pour vous. Attention. Si vous êtes dans le 94, ça se précise. Dans le 94, on arrive dans le Val-de-Marne. Et si vous êtes à Alfortville, et ben vous êtes en plein dedans. 1500 euros à gagner. Et on a tiré au sort Adèle M-Tir. On va chez les M-Tir ce matin. Si les M-Tir écoutent Skyrock et qu'ils répondent, bah Skyrock, quand on leur demande quelle est votre radio préférée, ils repartent avec 1500 euros. Bonjour Adèle. Bonjour. Tu es monsieur M-Tir, toi? Oui. Oui, bah nous c'est la radio, Adèle. Oui. On est en direct. Oui. Et on a 1500 euros à offrir. Oui. Il faut répondre à une question, Adèle. Je vais te demander quelle est ta radio préférée. Trompe-toi pas, Adèle. Attention. Hein. Si t'as la bonne réponse, tu gagnes 1500 euros. Adèle. C'est Skyrock. C'est Skyrock. Ah bah oui, j'accepte la réponse. Gagné. C'est la bonne, Adèle. Tu viens de gagner 1500 euros en direct sur Sky ce matin. Bravo, Adèle. Bravo, Adèle. C'est sérieux? Bah oui, c'est sérieux. En direct, non. T'es à Alfortville, toi, Adèle, c'est ça? Exactement. Eh ben, c'est toi qu'on cherchait ce matin. 1500 euros qui viennent de tomber. Jour des soldes. En plus, avec des températures de folie aujourd'hui. Ah, mais ça y est, c'est l'été. Et tu te souviendras de cette journée à vie. Vas-y, mets encore plus fort. Ouais, Skyrock, ça s'écoute. Skyrock, ça s'écoute à fond la caisse. Vas-y, mets un donf. Tu fais quoi, Adèle? T'es déjà en voiture ce matin? Ouais, bah, je suis en camion, je suis en train de livrer. Eh ben, attends. Ah, livreur. Je suis en livraison. Eh bien, tu représentes tous les livreurs qui se réveillent avec Skyrock ce matin, qui bossent avec Skyrock. Un gros bonjour, je retire mon chapeau parce que c'est un boulot quand même assez difficile. Hein. Ouais, avec tous les cons qu'il y a sur la route, hein, c'est ça, Adèle? C'est ça, exactement. Tu vas faire quoi avec tes 1500 euros? Bah, c'est pour mes enfants. Très bien, t'en as combien? J'en ai trois. Ah ouais, quand même, t'as bien bossé, Adèle, toi. Ah ouais, bien joué. Il faut. Oui, bon, c'est bien Adèle. Félicitations. Les 1500 euros, on te les envoie très très vite à la maison. Fais plaisir à toute la famille. Tu branches tout le monde sur Skyrock et bah, tu reviens quand tu veux, Adèle. C'est trop gentil. Tu es le bienvenu. Et bonne route. Et bonne route, merci. Adèle. Bonne livraison. Allez, les chauffeurs livreurs vous salue. Vous avez été présenté, bien présenté par Adèle ce matin. Super. Il est assuré, Adèle. Ouais. Y a pas de souci. Salut, Adèle. Bonne journée à toi. Salut, merci, au revoir. Ciao. Je te dis bonne journée, mais a priori, elle va être pas mal. Hein. Oui, ça va. Elle commence très bien. Ciao, Adèle. Ciao. Le morning de Difool sur Skyrock. Le morning show, les shows. Premier sur le cash. Open up the champagne. Pop. It's my house. Come on. Turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby. Cheers to this. Sometimes you gotta stay in. And you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in. And you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. Hit the brakes, hit the brakes. We don't have to go out. Cheers to this. Welcome to my house. Sur Skyrock, it's my house. C'était le son de Florida. Il est 7h14. Allez, on passe vite au conseil pas cher. Parle-nous de tes billets, parce que l'autre, il en peut plus. Oh, les billets. Fait, c'est 6h du matin, il nous prend la tête avec. Il y en a partout des billets. Il y en a partout. Bah, j'aimerais bien qu'il y en ait encore plus, moi. Alors, bon. Le billet de 5 euros, de 10 euros et de 20 euros a été relooké, là. Oui, il relooke les billets, il les change petit à petit les uns après les autres. Eh ben, ça y est, ça va être le tour du billet de 50 euros. T'es heureux. Le 5 juillet, présentation officielle du nouveau, billet de 50 euros. Il est beau gosse, il est comment? Ah, j'ai pas de photo. Ah, t'as pas de photo du billet? Non, j'ai pas. Bah non, parce qu'il est dévoilé le 5 juillet. C'est comme quand il sort une nouvelle voiture, il la dévoile pas 3 mois surprise. Avant. Et tu n'as pas une exclue avec la Banque de France, toi, Romano de Skyrock, le plus gros escroc du monde? Bon, alors par contre, il est présenté le 5 juillet. Par contre, il ne sera disponible qu'au printemps prochain. Ça lui met un certain temps quand même. Très bien, mais tu peux prévoir un conseil pas cher pour le printemps prochain. Eh bien, je vais déjà en prévoir un pour ce matin. Ah, il va direct, ça y est, il va changer les billets. Évidemment. Tu vas changer les billets en exclu alors. Bah évidemment, ça y est, j'en ai une liasse. Sur la radio des exclus, voici en exclu ce matin le billet de 50 euros, le tout nouveau. Et le billet de 50 euros, c'est le billet le plus utilisé et le billet qui est le plus en circulation. 45% des billets qui circulent, c'est des billets de 50 euros. Ah ouais, pratiquement un sur deux, t'as un billet de 50 euros. Et voilà, et ben, ce matin, direction les gens, les familles, les commerces, partout, je vais refourguer le nouveau billet de 50 euros. Tiens, j'en ai des vieux. Bah, donne-moi le plus valable. Mais s'il est valable. Mais non, il périme aujourd'hui. Tu viens de dire qu'il était valable jusqu'au printemps prochain. Oui, mais ça, c'est pour le commun des mortels. Pour ouais. toi, tu fous le jeu de fume exclus. Je l'ai direct là ce matin. J'ai une escroquerie en exclus. Je vais me faire escroquer en exclus ce matin. Vraiment, Skyrock. Et vraiment, je le dis une fois de plus, mais en, tout en étant modeste, c'est la radio des exclus. Ah, bah évidemment. Je vais. C'est bon, on a les familles, on a tout ce qu'il faut, les commerces. Ouais, ouais. Ah, bah allez, c'est parti. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Bon, les conseils pas chers, c'est parti. Tu vas donc dans des magasins parce que là, ils ont plein d'argent dans les caisses. Je travaille à la BCE. Magasin ou famille d'ailleurs ? Magasin. Là, c'est un magasin. Magasin, très bien. Je vois la BCE. La Banque Centrale Européenne. Allô ? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Monsieur Lapin, c'est l'appareil de la BCE, Banque Centrale Européenne. Oui. Oui, je vous appelais concernant les billets de 50 euros. Vous en avez, j'imagine ? Des quoi ? Des billets de 50 euros. Ouais. Ouais, eh ben, ce matin, je vais venir les changer. Quoi, dans un premier temps, je récupère les vôtres et on vous enverra les nouveaux dans quelques mois. Oula, ne tombez pas quand même. C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est l'émotion, j'imagine bien, mais. Vous allez avoir les billets de 50 euros, les nouveaux, en exclusivité. Ah, en exclusivité. Moi, ce matin, je viens récupérer les anciens, et d'ici une semaine, 15 jours, comme ça, à vue d'œil, vous recevrez les nouveaux. Oui, y a pas de problème. Eh ben, je passe dans 10 minutes. Y a pas de souci. Je suis dans quel magasin, là ? Poissonnerie. La poissonnerie, tiens, vous mettez une raie de côté ? Ouais, y a pas de problème. Ah, ben, c'est parfait. Une grosse raie, hein, parce qu'il a très faim. La plus grosse que vous ayez, j'adore la raie. C'est Cédric qui a une raie qui est hallucinante. Bah, la raie, elle arrive jusque entre les omoplates. Ouais, tu as la raie la plus longue que j'ai jamais vue, Cédric. T'as monsieur monsieur ouais. le poissonnier. Oui. J'ai la raie la plus longue du monde. Ça vous branche? On peut la vendre aussi. On a un ami, il a une raie du cul. On n'a jamais vu ça. Elle se finit entre les omoplates. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai que t'as une raie longue. On l'avait mesurée. Elle est pas longue. Non, mais et puante. Oui, non, mais ça, c'est. Bon, c'est parce qu'elle est fraîche chez Skyrock. C'est Skyrock, mais moi, je travaille quand même à la BCE. Je fais des heures sup. Bon bah je passe dans la matinée voir votre belle raie et puis récupérer surtout les billets de 50 balles. Y'a pas de problème. Eh bah tout à l'heure, merci chef. Allez, au revoir. Merci, au revoir. T'es où la poissonnerie? C'est dans le nord. Dans le nord, eh bah, dans le nord. Eh bah, comment je suis moitié babiloute? Ça va, ça va. Tu vois, la BCE il parle aussi nordiste. Ah bah on est habitué. Parle aussi ch'ti. Salut à toi, ami du nord. Ciao. Allez, salut le poissonnier. Bah voilà, c'est géré. On a vendu ta raie, Cédric, t'imagines? Ah ouais. Je pensais jamais qu'on arriverait à vendre ce machin. Ah ouais, parce que c'est affreux. Hein. Faut vraiment qu'on tombe sur un poissonnier sympa, ça fait plaisir. En même temps, la poissonnière, une raie, c'est logique. Hein. Bon bah on vous annonce. C'est quand vous aurez les billets de 50 euros les nouveaux, pensera à nous. Hein. Ouais, et le 5 juillet, présentation officielle. Les nouveaux billets de 50 euros. Il est 7h17 et dans un instant. J'espère que vous êtes prêts, comme le dit Silent Tour, joue à Fumito. Watch me, nay, nay. Okay. Now watch me, whip, whip. Watch me, nay, nay. Can you do it? Now watch me, ooh, watch me, watch me. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop Oui, Watch Me sur Skyrock à 7h20. On écoutait Silento. Je vous l'ai dit, ça fait du bien pour se réveiller. Silento et Watch Me. On écoutera du SCH, du Drake. Et on va jouer à Info ou Mytho tout de suite. C'est l'heure de gagner votre télé. Alors la télé, il va vous la présenter. Elle est magnifique. Romano, peux-tu nous parler de cette télé, de ses particularités? Elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Ah bah déjà, elle fait 101 cm. Et ça, c'est quand même magnifique. Pas 101, pas 99, mais 101 cm. 101 cm, elle est 4K. Oui. Donc c'est ultra HD, elle est connectée. C'est une Smart TV. Smart TV. Et elle vaut à peu près 700 euros. Ah oui. Voilà. Et bah voilà, c'est le dernier modèle de chez Samsung. Et elle est pour vous sur Skyrock, vous allez pouvoir la gagner tout de suite. Alors on va jouer à Info Mytho, je vous pose la question de sélection. Donc le jeu, il est simple, c'est dans l'énoncé du jeu. Info ou Mytho. Je vous raconte une petite histoire, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, vous envoyez un faux. Si c'est faux, vous envoyez un mytho sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. Et promis, j'oublie pas le top. Hugo, maintenant, il n'y a plus que Cariole qui me prend la tête avec le top. Vous aussi. Ouais. Alors attendez pour le top, je vous raconte la petite histoire. On va parler de la fête des pères. Et on va parler d'un monsieur qui a reçu un savon pour la fête des pères. Voilà, un cadeau pourri. Ah bah ça, oui. Tiens, genre, papa, c'est dégueu, lave-toi. Lave-toi un peu, ouais. Sans mauvais, papa, tu vas te laver. Bon, le problème, il a fini aux urgences car il s'est trompé. Il a mangé le savon en le confondant avec un gâteau. Oh. Est-ce que c'est vrai? Ouais, mais le père, il est tout con. Un peu bébête, ouais. Bah, c'était en forme de petit biscuit. Voilà, bah oui, mais au bout d'un moment, quand tu croques dedans, tu dois te rendre compte que ça n'a quand même pas le goût d'un gâteau. Le c'est vrai. Non, lui, il a bouffé en entier, content, le couillon. Là. Mais fit-toi, Romano, si tu offres un savon à Cariole, elle est capable de le bouffer, elle aussi. Oh, génial. Alors, un homme a reçu un savon pour la fête des pères. Il a fini aux urgences car il a mangé le savon en le confondant avec un gâteau et ça s'est passé en Meurthe-et-Moselle. Mm-hmm. Voilà, je vous donne l'info comme ça. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Info ou mytho, et vous attendez mon top, je sais. Ne vous entendez rien du tout, je vois les messages qui défilent déjà. Bande de tricheurs et de tricheuses, là. Bon, je vous donne mon top, on prend les messages à partir de maintenant. C'est parti. Vos messages très vite et puis en direct on se retrouve sur Skyrock pour jouer ensemble à Info Mytho et gagner votre télé. Vous jouez avec Romano et qui donc ce matin? Cédric. Moi. Cédric. Ah, ah bah alors il faut savoir. Cariole, tu es Cédric? On va voir. Bah oui, c'est moi. Vous battez. Ah, oh, ça se bat pour jouer avec moi, c'est la folie. Ah magnifique. Allez, 7h22. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Tu lui racontes quoi là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Bridgestone 16 pouces à 71 euros seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot des bleus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/RDV. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Maillot offert pour 1 euro de plus. Et j'ai cogité toute la nuit. Black M est de retour. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Découvrez La Nuit Porte Conseil, le premier extrait de son prochain album. Toute la nuit. On dit que La Nuit Porte Conseil. Maintenant disponible. Le canapé, je le mettais plutôt ici, et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là, et la lampe ici. Voilà. Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez Ikea. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. Ikea. Dans la limite des soldes disponibles. Géant solde les soldes et frappe fort avec des remises supplémentaires sur des produits déjà soldés. Par exemple, jusqu'à samedi seulement, le PC portable 15 pouces Lenovo G5030 vendu 359 euros. Une remise supplémentaire de 30%, soit le PC à seulement 199 euros. Solde du 22 juin au 2 août, hors Corse et Alpes-Maritimes. Les prix bas, c'est Géant. Dis, oui. Tu aimes le cinéma? Ah bah oui, bien sûr. Tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients B-Box 20 films en VOD. Waouh, 20 films en VOD sur ma B-Box Miami? Oui. Avec les pop-corns? Ah. Non mais je demande, bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients B-Box. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Tu as vu? J'ai perdu 20 euros depuis le début de l'été. Pas mal. Moi, j'en ai perdu 50. C'est pas vrai. Mais si, si, je te jure. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix avec des réductions pouvant aller jusqu'à moins 50%. Alors profitez de l'été avec Darty. Date des soldes selon décret. Dans la limite des stocks disponibles et sur produits signalés. Breakdown. Sarenza.com. Chez Sarenza, dès aujourd'hui, nous soldons Nike, Geox, Converse et plein d'autres chaussures jusqu'à moins 60%. Et ça, ça promet de faire très mal. Choisis une paire. Non, j'ai peur, le monsieur, il a dit que ça va faire très mal. Mais non, c'est une expression qui veut dire que c'est génial. Regarde les baskets super soldées. En plus, elles sont livrées gratuitement en 24 heures. Non, j'ai peur, Bobo. Écoute, la seule chose qui peut faire très très mal, c'est de les rater. Aïe. Alors, vite, téléchargez l'appli Sarenza. Voir conditions sur sarenza.com. En ce moment, avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Pour vous, les filous. Pour vous qui n'acceptez les promotions canapé que pendant les soldes. Profitez. Les soldes, c'est parti sur laredoute.fr. La Redoute propose dès maintenant des remises incroyables. Jusqu'à moins 70% sur les articles mode et maison. Puma, Jonac, Levi's et bien d'autres marques sont disponibles en un clic. Et aujourd'hui, moins 10% supplémentaires sur tout le site. Et la livraison et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr. Brico Dépôt vous présente les deux mots du jour. Carrément solde. Produit soldé ? Débroussailleuse thermique. Grande puissance ? 33 cm cubes. Super affaire ? 89 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. À partir du 22 juin dès 7h, profitez des soldes Brico Dépôt avec des remises exceptionnelles. La débroussailleuse thermique 4 en 1, 33 cm cubes, guide et chaîne Oregon est à seulement 89 euros au lieu de 119 euros. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Liste des dépôts participants sur bricodépôt.fr. Il est 7h26 et c'est l'heure de vous donner la réponse à la question que je vous ai posée, de jouer à Info ou Mytho pour gagner votre télé Samsung sur Skyrock. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et ouais, c'est nous en direct et je vous parlais de la fête des pères, la fête des pères qui a eu lieu ce week-end. Je vous ai pas dit que c'était un papy. Un homme a reçu un savon pour la fête des pères. Donc le papy l'a reçu un savon de la part de son fils. Un problème. Merci beaucoup. Il a fini aux urgences car il a mangé le savon, le croyant que c'était un gâteau. C'est l'info que je vous donnais, ça s'est passé en Meurthe-et-Moselle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On a Marie de Montbéliard en direct avec nous. Bonjour Marie. Salut Marie. Bonjour. Salut. Alors, bienvenue à toi. T'as 23 ans, Marie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc tu as la bonne réponse. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai raconté? Eh ben c'est vrai. Eh oui. Ah ouais. Le papy de 85 ans, vivant en maison de retraite, avait bien toute sa tête. Il a simplement oublié de mettre ses lunettes. Il a donc mangé le savon que lui avait offert son fils, croyant que c'était un gâteau. Je me régale. Il a été transporté à l'hôpital pour des examens de contrôle parce qu'il avait quand même quelques petits problèmes. Il était chier des bulles. Non, mais c'est oui aussi. Ça lui a fait enfler les lèvres. Ah oui, il a fait une petite allergie. Voilà, sans plus d'effets nocifs, donc tout va bien. Il a quand même mangé la moitié des 80 grammes de la savonnette. Ah, quand même. Hein. Ouais, quand même. Hein. Bah, il s'est rigolé, papy. Il avait une grosse faim, papy. Bah, c'est bien, ils sont bons de l'intérieur. Ouais. Oh, ouais. Bien joué, Marie. T'as donc la bonne réponse. Tu peux jouer maintenant avec, alors je vous l'annonce, Cédric d'un côté, ouais, Romano de l'autre. C'est les deux que tu as en face de toi. Et tu joues pour l'écran Samsung, hein. Ah oui. Et il faut détecter le mytho. Alors on est parti. Ah bon, belle jingle. Info, mytho, mytho, mytho. Qui dit vrai, qui dit faux? Alors écoute bien Marie, on commence par Romano. Alors attention, moi c'est un homme en Nouvelle-Zélande. Eh bien, il a été surpris par les caméras de vidéosurveillance de son entreprise. En fait, il était sur le parking du bureau et complètement nu. Hein? Et il était en train de faire l'amour à la roue de secours de son véhicule. Non. Oh, qu'il devait être très amoureux. Le mec s'est allongé, donc on a une capture d'écran, un screenshot. C'est bien parce qu'on pense pas souvent à sa roue de secours. Eh oui. Hein? On la regarde pas assez, sa roue de secours. Lui, il est tombé amoureux, il est super le néo-zélandais. Eh oui, il est très très amoureux de sa roue de secours parce qu'en fait, le mec est atteint de mécaphilie. Mécaphilie, non? Eh ben c'est, en gros, c'est amoureux de tout ce qui a trait au véhicule. Oh, amoureux. Info ou mytho? Voilà, le pot d'échappement, on a déjà pris pour son compte, ça je tiens à vous le dire. Ah oui. Cédric. Alors moi, on file du côté de la Lorraine. Mm-hmm. C'est les gendarmes qui ont été tapés parce qu'il y a eu une alarme dans une maison qui s'est déclenchée. Donc là, ils débarquent, c'est vite fait, pour s'est tombé sur une équipe de cambrioleurs chevronnés. Ils ont été appelés. Oui. Je crois qu'il y a un problème de liaison. On les a appelés, quoi. C'est comme si tu n'avais pas remarqué. T'inquiète, ça passe. Oh là là. Et donc, ils débarquent donc dans le pavillon. Et tombe sur un enfant de 3 ans, en fait, qui était en train de manger des bonbons dans un pavillon. Le cambrioleur, d'accord, était un enfant de 3 ans. Oui, on a compris. Oui, oui. Alors, Marie, tu veux que je te rappelle l'histoire? Non, voilà, le cambrioleur, il avait 3 ans. C'est parce qu'il y a un enfant qui s'est trouvé dans un pavillon et il mangeait des bonbons, c'est ça? C'est ça. Oh là, c'est un cambrioleur. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Le néo-zélandais qui fait l'amour à sa roue de secours ou Cédric et son enfant de 3 ans? Wow. Ah bah là il faut se décider là. Ah ouais. Oui. Moi je dirais Romano vrai et mytho Cédric, mais j'en sais rien, je sais pas vos infos. Pas de... Après, non, mais après, j'ai rien dit. Oui, oui. J'aurais dû fermer ma gueule, moi, encore. Non, mais bon. Si tu te plantes. Après, c'est chaud quand même. Je vais faire l'amour à une coupe de secours. Faut déjà avoir. Oh, tu sais, il y a des tarés partout. Ouais, mais tu sais, Romano, il a sorti des mots comme méca machin fili, tout ça. Ouais. Donc, je pense que ça va, je suis pas à teubé non plus. Il a pas pu inventer ça. Non, mais tu vois, je me dis que bon, alors, vas-y, Marie. Allez, lance-toi. Oui. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. J'ai rien dit. Hein. Bon, je dirais Romano, Info et Cédric Mito. Ah ouais, donc tu me suis. J'espère que c'est la bonne réponse. Eh bien, ouais, je n'aurais pas si c'est la bonne réponse. Ah, j'ai gagné, bravo, c'est ça. Bravo, bravo. Bien joué Marie, félicitations. T'as gagné ta c'est télé. Temps, hein. Ouais, et on va vous mettre la vidéo sur les réseaux de l'homme en train de faire l'amour à sa roue là. Oh, c'est comme il va être sexy. Ah, ouais, ah magnifique. Oui, sa roue de secours. Il avait très très envie. Qu'est-ce que tu veux? Il a des besoins. Eh ouais, on peut comprendre. Bravo Marie, tu avais besoin d'une télé. Comment? Déchiré à Skyrock. Ah très bien, merci Marie. Merci. La télé elle déchire, tu la reçois à la maison. La Samsung a gagné tous les matins à 7h20. Ouais. On joue à Info Mytho. Bonne journée à Montbéliard Marie, on t'embrasse. Et merci. Restez bien dans le coin, on va vous offrir vos places pour l'Euro. Bisous, ciao. Les places pour l'Euro, la finale de l'Euro à gagner, ce sera juste avant 8h. Il commence à faire chaud dans le studio là. Ah, ça chauffe. Moi je commence à transpirer. Ça va être chaud. Non, non. Non, c'est bien Cédric. T'es complètement détraqué. Ah ouais, le soleil, ça vous en travaille certains, c'est dingue ça. Le soleil, la chaleur. Eh ben c'est au sommaire de la météo de ce matin, Rémi. Bah ouais, carrément, ouais. Oui, parce que. Tu l'as dit, ma gueule. Eh, gamin, alors. Allez, toujours debout. Très bien. Non, mais give up. Je comprends pourquoi ça s'appelle Skyrock maintenant, là. Allez, toujours debout. J'ai toujours demandé pourquoi on n'appelle pas ça Skyrap. Bon, la météo. L'été qui s'impose enfin ce matin dans quasiment tout le pays. Bon, on a du soleil partout, sauf sur le nord-ouest, malheureusement, où les nuages persistent encore. Hein, ils vont amener des orages cet après-midi. Ça va péter d'ailleurs assez fort, donc soyez prudents. Le ciel restera bien dégagé partout ailleurs. Les températures ce matin comprises dans le nord entre 13 et 18 degrés, 15 à Lille et 18 à Paris, de 14 à 19 dans le sud, 16 à Lyon et 19 à Marseille. Dans l'après-midi, 22 à Brest, 25 à Nice, 26 à Marseille et à Lille, 27 à Montpellier, 28 à Metz, 29 à Paris, 31 à Nîmes, 32 à Lyon, 34 à Tarbes et 35 du côté de Pau. La pollution, bah c'est très moyen. Les indices compris entre 3 et 5, 5 à Nantes, Pau, Auxerre, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulon. Et attention, avant 8h, vos places pour l'Euro, peut-être après les infos. Allez, on écoute l'actu et le sport avec toi, Rémi. Scène de panique hier à Morsang-sur-Orge, en région parisienne. Une mère de famille a pris en otage une employée du centre communal d'action sociale. Plus de peur que de mal, puisqu'elle a finalement été interpellée à l'issue de 45 minutes de négociation. Elle avait une arme à feu qui n'était pas chargée. Les enquêteurs parlent d'un acte désespéré. La mère de famille, qui a perdu la garde de ses enfants en 2012, espérait pouvoir les récupérer. Deux itinéraires proposés aux autorités pour empêcher les débordements. On ne sait toujours pas à quoi va ressembler la manif anti-loi travail prévue demain. Les négociations ont commencé il y a 24 heures, mais aucune réponse pour l'instant n'est donnée. Les syndicats refusent un rassemblement statique dans la capitale. Un scandale dans un décathlon en Normandie. Un individu diffuse sur des sites porno des vidéos volées de clientes en train d'essayer des maillots de bain dans des cabines d'essayage. Une plainte a été déposée. L'enseigne confirme l'information. Il s'agirait d'un client en passe d'être identifié. Sur les vidéos, on peut voir les visages et les poitrines même des victimes qui sont parfois mineures. Le Kinder Surprise qui n'est plus le bienvenu au Chili. Décision prise par le gouvernement qui prend des mesures drastiques pour lutter contre l'obésité. Une série de nouvelles lois rentre en vigueur dès lundi prochain. Cela fait 5 ans que la classe politique chilienne se déchire sur la question. Sur le Kinder Surprise. Ouais, ouais, ouais. Le McDo reste autorisé car le lobby est trop puissant. Par contre, il n'y aura plus de jouets dans le Happy Meal. Ferrero, qui commercialise le célèbre Kinder Surprise, entreprise italienne, n'exclut pas de saisir la justice. Mais ils ont raison, vive nos Kinder Surprise. C'est fini là-bas. Allez Ferrero, allez Nutella et les infos sport maintenant. Allez l'Euro. Allez, on fait le point sur l'Euro, c'est parti. Italie-Espagne, ce sera l'une des affiches des huitièmes de finale. La Roja s'est inclinée hier contre la Croatie de 2-1. C'est pas terrible quand même pour l'Espagne dans cet Euro. L'Allemagne a fait le job mais vraiment sans briller. Un minimum syndical. C'était face à l'Irlande du Nord 1-0. La Turquie par contre s'impose 2-0 contre la République tchèque. Et défaite de l'Ukraine 1-0 contre la Pologne. Dernier match de poule ce soir avec les groupes E et F. On connaîtra donc dans quelques heures le nom de l'adversaire des Bleus. Les Bleus qui sont toujours à Clairefontaine, qui s'entraînent, qui partiront dans les prochaines heures du côté de Lyon. Islande-Autriche et Hongrie-Portugal à 18h. Puis Italie-Irlande et Suède-Belgique à 21h en direct dans la radio libre. La Suède qui doit profiter là de Zlatan, puisque c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra. Zlatan qui a annoncé hier qu'il prendrait sa retraite internationale à l'issue de cette compétition. Je m'attendais plus à Zlatan qui nous annonce que la Suède allait fermer comme pays. Il y aura plus de foot en Suède. C'était le dernier match de la Suède. Ouais, il aurait pu annoncer au niveau footballistique. La retraite de la Suède. Ouais. La retraite de la Suède. Ça va être marrant. Non, il n'y a que lui qui s'en va. Merci Rémi, les infos, le prochain rendez-vous dans une demi-heure. Il est 7h35 sur Sky. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et c'est le morning de Default. The morning show! En direct sur Skyrock. On est là en direct et on est avec vous et on va vous offrir vos places de foot. Allez, je ne vous fais pas attendre, je vous en parle depuis 6h du matin. Les places pour l'euro à gagner, les places pour la finale de l'euro, les places Crédit Agricole qu'on vous file sur Skyrock. Vous voulez gagner l'euro? Eh bien, c'est maintenant, je vous pose la question pour gagner ces places pour l'euro 2016. La finale, le Stade de France. Oui. Avec qui vous voulez pour deux personnes. Donc je vous donne déjà les numéros, je dis ça pour tous les nouveaux qui viennent nous rejoindre tous les matins. Notez bien, 41-759, ça c'est pour nous laisser vos messages par SMS. Et sinon, vous allez directement avec l'appli Skyrock, c'est gratuit. Ouais. L'appli Skyrock, vous la téléchargez, vous nous envoyez vos messages. Alors, vous savez qu'on a le recordman des buteurs, c'est Dimitri Payet à l'Euro. Eh, Payet. Enfin, le recordman dans notre équipe. Ah, c'est pas, il y en a qui ont marqué plus de deux buts. Ah oui, oui. Qui? Bah, il y a Gareth Bale, je crois qu'on a mis. Gareth Bale a voulu marquer plus de buts que Dimitri Payet. Je crois qu'il y en a d'autres même. Hein. T'es vraiment sûr? Ouais, je suis sûr. Mais... Ah ouais. Ouais, parce que dans les premiers jours, on était. C'était le meilleur. Hein. Ouais, dans les premiers jours, mais depuis les autres, ils ont joué aussi leur troisième match. Entre temps, il y a eu d'autres jeux. T'es sûr? Matchs. Ouais, je suis sûr. C'est pas le meilleur buteur de l'Euro. Ah ouais, Maxwell. Non, c'est Gareth Bale le Gareth meilleur. Gareth Bale, hein. Il a marqué 3. Ouais, 3 buts. 3, ouais. Ouais, mais ils ont... Meilleur buteur de la compétition. Ils ont joué autant de matchs que nous. Ouais, 3 matchs aussi. Ouais. Bon, alors on a un recordman, un vrai. Quel est le recordman? Alors, le recordman de quoi, vous allez me dire? Celui qui est le plus rapide à l'Euro 2016. Il a été mesuré à 32,8 km/h en pointe. C'est lui le plus rapide. À pied, hein, on précise, hein, pas en voiture ni rien. Bien sûr. Non, mais je... On va rarement jouer au foot, un match de l'Euro en voiture. En scooter. Ou... Quoi qu'il pourrait essayer, je sais pas comment réagirait l'arbitre. Alors, quel est le joueur français qui est actuellement le joueur le plus rapide de l'Euro 2016? Ah putain, moi j'ai bien une idée, moi. Ah ah. Mais elle la donne pas. Vas-y, Romano, donne-moi la lettre de son nom. Moi je dirais K, moi. K. Ah, non, ou je sais pas si c'est. Il sait pas comment ça s'écrit, je pense. Mais c'est ça. Comment c'est écrit. Ouais. Tu penses que la sonorité de la première syllabe commence par un K? Ouais. C'est possible. Mais je n'en dirai pas. J'ai plus. Vu, il a cavalé. Top, allez-y pour vos réponses, vous pouvez y aller. Hein. Là, je pensais à lui parce qu'au dernier match, il a cavalé comme un dingue là, sur le terrain à un moment donné. Bon, bah, envoie ton message, on voit si tu gagnes tes places, Romano, allez-y. Hein. Ah, donc ça sera avec un C. Donc le bleu le plus rapide, et même le joueur le plus rapide de l'Euro 2016 est bleu, c'est qui? Vous nous laissez vos réponses très vite, 41-759 et appli Skyrock. Le premier ou la première repart avec ses places pour l'Euro. Oui, Rémi. Il y a aussi Morata Alvaro, l'Espagnol. Ouais, Morata, il a mis 3 buts. Il aurait dû en marquer hier, tiens. Ouais. Et en plus ça, il se fait remarquer, on a officiellement un peu qui revient au Real, il jouait à la Juve. Très bien. Il revient au Real. Eh bien, on est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Bon, les places de foot et dans un instant, un nouvel objet. Alors, on change complètement de sujet puisqu'on va parler camping. Ouais, c'est ça. Ouais. Un objet dont tu voulais nous parler puisque tu es notre consultant camping, Romano. Je suis un peu Mister Camping. Tu es un peu Franck Dubosc. Alors, on n'attend pas Patrick? Ouais, c'est Patrick Romano ce matin. Oui, si vous faites du camping parce qu'on a décidé de parler vacances un peu cette dernière semaine. Bah là, oui, ça y est, ça va démarrer. Allez, on s'en occupe. Juste après le foot, le camping et le réveil de star, on y revient, il est 7h38. Le morning de Default. Morning de Default. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Baby, I like it so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, Where do you wanna go? 'Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. C'est Drake sur Skyrock, je vous ai promis un petit SCH, on l'écoute avant 8h du matin sur Skyrock. SCH arrive avec Allô Maman, Calvin Harris et Rihanna aussi, Rihanna d'ailleurs avec des places à gagner. La radio qui vous offre le plus de places pour Rihanna, c'est Skyrock, c'est normal, on est partenaire. Ouais. Partenaire ouais. de Rihanna et de ses concerts. Et c'est Skyrock aussi qui vous offre le plus de places pour l'Euro 2016. Merci le Crédit Agricole et bravo pour tous les messages que vous nous laissez, toutes les bonnes réponses qu'on a. Alors Romano, tu vas apprendre à écrire le nom du joueur ce matin. Parce que tu avais pas forcément tort quand tu disais que ça commençait par un K. Ben oui. Mais c'est pas par un K. Bah si, son prénom. C'était son prénom que je lui donnais. Ah, ouais, c'est ça. Ah, la grosse arnaque. Bon. On a la bonne réponse, on file à Bordeaux chez Tony. Salut Tony. Ah, c'est vrai, son prénom commence Salut par un K. Salut l'équipe. Eh, t'as de la chance, les places pour la finale, elles sont peut-être pour toi, Tony. Eh oui. Ah, je suis tout dur. Ah, tiens, bonne nouvelle. Ça me fait plaisir de te faire cet effet. On est content de le savoir. Ah oui, on est content. Plaisir de vous avoir, les gars. Ah bah oui, du coup nous un peu moins. Donc. Carriole peut-être. Moi je suis content. Carriole ou Cédric. Bon, non, ça va aller. Oh, Cédric, ouais, il est dur. Alors, une petite question qu'on a posée il y a un instant. Je vous ai demandé quel était le joueur qui est le joueur le plus rapide de l'Euro 2016. Il a été enregistré en pointe à 32,8 km/h. C'est pas beaucoup, mais j'ai déjà fait du 50. Ouais, facile. En marchant. Ouais, il carbure, c'est vrai. Alors, c'est qui? C'est Coman. Il carbure, c'est Kingsley Coman. Kingsley Coman. On a c'est le joueur le plus rapide. La fusée. C'est ça. T'as, comment tu savais la réponse, Romano? Bah, parce que j'ai regardé le match le dernier, là, qui a eu France. France-Suisse. Non, celui qu'on n'a pas suivi dans l'émission, qui était à dimanche. France-Suisse. Ah, voilà. À un moment. Ah, attends, je suis un peu perdu. Il y a tellement de matchs à 7 euros. Romano, c'est France-Suisse. Il y a un moment c'est donné. Ça, ouais, carburant. Et sur une contre-attaque, il a quasiment traversé le terrain. Le mec, il a fait une accélération. Il a baisé 2-3 mecs, 2-3 Suisses qui n'arrivaient pas à suivre. Et je me suis dit, ça doit être lui. Bien joué. Bien joué. D'ailleurs, je crois qu'on a Kingsley Coman en direct avec nous au téléphone. Et pourquoi tu rigoles? Ils sont joués. Je crois que c'est pas vrai. Kingsley, allô? Il est en train de se faire son footing matinal. Excusez-moi, il vient de passer. Ah oui, il faut l'arrêter. Énorme, énorme. Bravo Kingsley. Ah, ouais. Ah, il est repassé. J'espère qu'il va marquer des buts, hein. Bah ouais, écoute, j'espère qu'il marquera des buts et puis j'espère parce que c'est moi bien qui courir, mais bon. Qui court pas bêtement comme c'est ça sur le côté. T'as lui qui va faire des longueurs, tu sais. Non, mais t'as raison, Tony, on est d'accord avec toi. Deux places pour la finale de l'Euro, c'est gagné. Bravo. Eh ben oui, bravo. Super, merci, bravo. C'est gentil, c'est vous déchirez. Eh ben toi, t'as bien déchiré aussi. Tu vas y aller avec qui à Paris, au Stade de France? Oh, je vais y aller avec un pote, hein. Je vais y aller avec un pote, ouais. Eh ben éclatez-vous bien, donc, Tony, ton poteau. Direction le Stade de France et on a encore des places pour la finale, hein. C'est tous les matins. Nickel l'équipe. C'est à gagner sur Sky. Bon courage à Salut vous. À toi. On remercie le Crédit Agricole pour nous filer les places. Merci. Ouais, Crédit super Crédit Agricole. Ah, super. Tiens, Tony, Tony, merci, une petite Tony. Question. Ah, oui. T'as déjà fait du camping? Pas du tout. Ah, pas du tout. Eh bien, justement, ça tombe bien, on va en parler. Super, je vais écouter. Je vais bien suivre. Moi, j'ai adoré faire du camping. J'y allais quand j'avais, je sais pas, 16, 17 ans avec les potes. C'était super. Même ouais, 15 moi, ans, 13 ans, 14 ans. Moi, j'aime bien l'ambiance du camping. Tu ramènes une meuf dans ta tente, t'as une petite maison à toi. Tout le monde t'entend. Oui, tout le monde t'entend. T'as les potes qui sont derrière la tente, qui essaient de regarder qu'est-ce qui se passe, tout ça. Vive le camping. Pourquoi tu veux nous parler de camping? Eh bien, parce qu'il y a la révolution dans les toiles de tente. La révolution dans les toiles de tente. C'est-à-dire, bon, Jean-Luc Mélenchon qui arrive dans une toile de tente, il gagne à tout casser. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas ça. Bon, vous connaissiez les tentes de chez Decathlon, là, les Quechua. Les Quechua. Qui s'ouvrent toutes seules. Ouais, c'est ça. Genre, tu la jettes, elle se déplie. C'est bien. Et bien là, Ça, je connais ça. Decathlon innove encore avec la toile de tente avec plus ou moins une clim intégrée dedans. Je dirais à fond la tente. À fond la tente. Eh oui. C'est la tente, elle s'appelle Fresh and Black. Fresh and Black. Donc elle est fraîche et black. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont trouvé un système à revêtement qui garde la fraîcheur à l'intérieur. C'est vrai que quand t'es au camping et si t'es en plein soleil et genre tu veux faire la grasse matinée, à 9h tu sors, c'est parce fini, que ouais. Ta tente s'est transformée en sauna. Oh, parfois même avant 9h. Hein. Ouais, bah avant 9h, ouais. C'est bien, Décathlon, il y aura de nouvelles vidéos à faire pour les sites porno. Alors, Fresh et Black, donc il y a un revêtement à l'intérieur qui permet de garder la fraîcheur. T'as une température à peu près entre 17 et 19 degrés. Ils sont bien, Décathlon. Hein. Ils inventent des trucs, ça c'est bien, c'est une super idée ça. Et un autre truc qui est bien utile. Tous ceux qui ont fait du camping nous comprennent. C'est vrai, ouais. Quand, par exemple, à 8h du matin, même avant le soleil se lève, du coup, t'es plus dans le noir complet. Eh bien là, ils ont trouvé un système où c'est l'obscurité complète à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ah, c'est pour ça qu'elle s'appelle Fresh and Black. Fresh et obscur. Bien joué. Wow. Bravo, Décathlon, champion, mes frères. À fond la forme. À fond la forme. Et alors? Ben, on va demander aux familles qu'elles nous aident à monter notre tente. Ah ouais, c'est une galère. Ah ouais. Ah ouais, non, mais le mec qui a inventé les tentes qui s'ouvrent toutes seules, ça c'est super. Oui, bah alors pour la replier, elles se replient pas toutes seules. Ça, ils ont pas encore inventé. Là où c'est un peu plus galère. Il n'y a pas de bouton pour qu'elles se replient toutes seules. Ah non. Mais c'est vrai que monter une tente, c'est pas facile. C'est clair. Eh bien, nous allons donc demander l'aide aux familles. C'est l'heure du French test tout de suite sur Skyrock. T'as des numéros de famille, c'est vrai? Ouais. On fait du camping sauvage. Oui, on est des sauvages, nous. Le French test sur Skyrock. Que je me sens sauvage, j'adore. C'est qui qu'on appelle? On va chez Alain. Chez Alain, très bien. Il y a quand même 16% des gens qui ne conçoivent absolument pas de dormir dans une salle de tente. Oh, oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour ma chérie. Bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? C'est pourquoi? Eh bien, c'est pourquoi on aurait besoin d'un petit coup de main, parce qu'en fait, on va faire du camping sauvage là, à côté de chez vous. Oui, on va faire ça dans un jardin. On avait un jardin, il est sympa. Ouais, et on voulait savoir si vous pouviez, vous ou votre mari, nous aider à monter la toile de tente. On n'y arrive pas. Hervé? Eh ben oui, c'est Hervé, comment tu m'as reconnu? Ah ben j'ai reconnu. Eh ben oui, ah ben dis donc. Eh toi, t'as l'œil et l'oreille surtout. Ah, ça c'est clair. C'est une connerie ça. Ah non, mais non, pas du tout. Hervé Romano. Eh, t'es pas au courant? il t'a pas prévenu ton mari? Je viens faire du camping dans votre jardin avec des copains. Eh oui? Eh oui? Bon, ben je raccroche. Voilà, mais non, mais raccroche pas, j'arrive. Raccroche pas. C'est Hervé, là. Elle a bien Hervé au téléphone, par contre, elle a pas envie qu'il débarque dans son jardin. Voilà. C'est Hervé, mais si, tu sais, le lourdeau, Hervé, c'est moi. Alors, on attend pas Hervé. Allô? Comment ça s'appelle? Là, c'était la femme d'Alain. La femme d'Alain? Attends, je t'en prépare une autre. Oui, non, c'est la pierre d'Alain, logiquement, non? Non, c'est la femme. Non, ça s'écrit pas pareil. C'est la femme. Ah, c'est pas la même chose. Non, bah, c'est Jean-Luc et Martine. Jean-Luc et Martine. Et la tente vaut 79,99€. Oui, bonjour madame, c'est Martine? Non, c'est Jean-Luc. Oui, c'est Jean-Luc. Je crois, hein, personne. C'est Jean-Luc, hein? Oui. Oui, oui, Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ah, ben bah, ça va, tu sais qu'à l'envers, Jean-Luc, ça fait Jean-Cul. Ah oui, on le sait. Bon, d'y voir, je suis avec quelques amis, on va faire du camping sauvage à côté de chez toi. Comment? On va faire du camping sauvage à côté de chez toi. Mais tu es qui? Je suis Monsieur Lapince, touriste. Ouais, on fait du tourisme. Comme ça, on tourne et on va squatter un peu à côté de chez vous là. Mais à quel endroit? Ah bah, à quel endroit? Dans ton jardin. Non mais c'est qui? Tu es qui? Mais je comprends pas. Ah ben on se connaît pas. Hein. Nous, on est des voyageurs, des baroudeurs. Des baroudeurs, c'est ça, des baroudeurs. Des aventuriers, des routards. Et mais des aventuriers dans mon jardin. J'ai pas de jardin qui soit camp. Ah bah oui, bah on va okay, il fait pas camping, je t'assure. Nous, on a vu ton jardin, il fera très bien camping. Ah non, mais ça va, il y a pile la place pour mettre notre tente. Il faudrait venir nous aider à la monter ce matin. Mais attends, je comprends rien du tout à ton appel. Je connais, bon, alors, je sais pas qui tu es. Je t'explique. Et je sais pas ce que ça veut dire. Ça fait deux fois que tu appelles. Je suis Monsieur Lapince. Je suis avec des amis, ils sont là. Bonjour. Ouais, bonjour. Et en fait, nous sommes des baroudeurs, des gens du comme ça, on se déplace. On fait un road trip. Bon bah écoute, moi je comprends rien du tout à ce que tu me dis, je sais pas d'où tu appelles. Je comprends rien, tu lui dis road trip. Je sais pas qui tu es, donc je raccroche. Hein. Alors on fait un tour de France et on va camper chez toi là, dans le jardin. Non, tu peux pas. Ah bah si, ah, ouais. Si, on a vu, on peut sauter la barrière, tout ça, nickel. Faudrait juste... Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là, de fou là? Ah bah il faudrait nous aider à monter à la toile de tente ou on n'y arrive pas? Hein? La toile de tente, on n'arrive pas à la monter. Bah oui. Il faut pas dans mon jardin, qu'est-ce que tu racontes là? Mais là, on arrive dans 5 minutes nous. Hein? On arrive dans 5 minutes. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc là, tu ouvres la porte et tu nous installes dans ton jardin et tu nous aides à monter la toile de tente. Pendant ce temps, on prendra un petit. Non, allez, arrête un peu. Hein. Ah non, bah non, on arrive. Attends. Il est pas très accueillant, lui. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ces gens? Ah, c'est, non, dingue, c'est ça, incroyable. Eh, le premier pays touristique du monde, c'est la France. Eh ouais, ça se voit. Eh bah, c'est ça que j'allais dire. On sait pourquoi maintenant. Ouais. Merci à Alain, merci à Jean-Luc. Et dans une minute, l'horoscope de l'amour qui arrive sur Skyrock. Et on prépare le son de Calvin Harris. C'est Rihanna sur Sky. Écoute mon sang. Doré de platine présente Joule. Allez, on y calait le sang. Découvrez émotion. Génération, le tout nouvel album de Jul. Dans les bacs. Si le canapé, je le mettais plutôt ici, et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là, et la lampe ici. Voilà. Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez Ikea. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. Ikea. Dans la limite des stocks disponibles. Carrefour. Val, je reviens de chez Carrefour, il y a des soldes de folie sur plein de produits, t'imagines même pas. Ah, raconte. Bah, en ce moment, t'as jusqu'à moins 70% sur le rayon textile, la cuisson et même l'électroménager. Et t'as pris quoi? Bah, il y avait tellement de choix, j'ai pas pu me décider. Ah bah viens, on y retourne, à deux, on va y arriver. En ce moment, c'est les soldes chez Carrefour. Profitez de remises immédiates jusqu'à 70% sur les rayons textiles, cuisson et électroménager. Vos magasins sont ouverts dimanche. Voir liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. Et l'horoscope de l'amour, c'est parti. L'horoscope de ce mercredi 22 juin. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Ah, la température monte. C'est l'horoscope de l'amour. Caliente. Caliente. Ce mercredi 22 juin, qu'est-ce que ça donne? 5 sur 5 pour les taureaux et les verseaux. Vous avez la meilleure note du jour. Une belle rencontre pour les célibataires. Une bonne surprise pour ceux qui sont en couple. Tout est possible. Ça va être super pour vous aujourd'hui. Les verseaux, les taureaux, 5 sur 5. Ouais. Bien aussi pour les poissons et les cancers. Vous aurez de la répartie. Vous aimez charrier vos proches. Eh bien, ils apprécieront votre petit côté taquin aujourd'hui. Taquin coquin. 3 sur 5. Les sagittaires, les vierges. Ouais. Vous serez cool aujourd'hui. Sûr de vous en amour. Ça va renforcer votre charme naturel, les vierges et les sagittaires. Vous avez 3, 2 sur 5 pour les scorpions et les lions. Et pour un 2, vous allez voir, c'est pas mal, une journée pas trop mal, en fait. Faudra juste être réactif pour pas laisser filer les bons moments en amour. 1 sur 5, les gémeaux et les balances. Votre emploi du temps sera surchargé aujourd'hui. Bon, vous aurez pas trop le temps à l'amour. Mais bon, rien de grave, gémeaux, balance 1 et 0 pour les béliers et les capricornes. Et ben voilà. Ouais, oui. Aujourd'hui, il va falloir faire preuve de patience. En plus, je suis très patient, moi. Faudra être patient pour séduire. Même beaucoup de patience. Bref, tellement être patient qu'il faudra peut-être attendre jusqu'à demain. C'est ce qui nous attend, les béliers et les capricornes, 0 sur 5. On va parler d'un gros film, qui sort aujourd'hui. Plus gros film d'animation sorti aux États-Unis, celui qui a fait le plus d'entrées. Oui, plus gros démarrage. Il arrive chez nous. Alors, on parle du monde de Dory, mais vous vous dites, c'est pas le réveil de star. Eh bien, si. Dory, le poisson, va réveiller les familles. Oui. Car tout est possible sur Skyrock. Juste après, Rihanna, on avait promis, on écoute. Et Calvin Harris. Et voilà. Calvin Harris, n'oubliez pas vos places pour Rihanna. Avant 9h, on vous offre vos stands. Hein, c'est à gagner sur Sky. Tous les matins. Morning show. Hi, this is Rihanna and I'm on Skyrock. Le morning de Difool. 6h, 9h sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Calvin Harris sur Skyrock, this is what you came for. Il est 7h54 et aujourd'hui sort le film Le Monde de Dory. 13 ans après, Le Monde de Nemo. Ouais, c'est ça, ouais. Mais vous savez que j'avais bien aimé ce film. J'en parlais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure vers 6h. Il est mignon, Nemo. Ouais, il est marrant. Puis le film, il est rigolo. J'aime bien. Non, j'ai un petit poisson. Mais oui, j'ai un petit poisson. Il lui arrive plein de galères, il se retrouve dans un bocal, ouais. Il s'évade de l'aquarium. C'est fou, la vie d'un poisson. Alors, a priori, il a le nouveau personnage qui est bien marrant dans le. Dans le nouveau film là, c'est la pieuvre. Ouais, c'est la pieuvre. Ah ouais, j'ai vu. J'ai la pieuvre qu'elle a, moi je la vois là, regardez. La pieuvre, ouais oui. Moi aussi je l'ai en photo, elle a une bonne tête. Ouais, elle a une bonne tête. Et a priori, c'est un peu le personnage la nouveauté du truc, le personnage phare du dessin animé. Bon, alors, on va découvrir ce matin qu'est-ce qui va se passer quand les familles de France sont mises en contact avec Dory. Ouais. Oui, Dory, c'est le poisson tout débile. Vous savez, c'est celle qui a pas de mémoire. Elle est gentille, mais elle est débile. Mais elle est amnésique, c'est tout. Elle est pas débile. Elle est amnésique. Elle a une mémoire de quelques secondes, comme certains membres de l'équipe qui sont actuellement aux toilettes. Je ne citerai pas Cédric, bien sûr. Bonjour, bien je sûr. M'appelle Dory. Bonjour Dory, comment ça Salut, va Ah ouais, c'est l'autre. Elle est toute speed, tout ah le ouais, temps. Par oui, trop c'est vite. Ça. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Dory. Je m'appelle Dory. Oui, tu vois, elle a déjà oublié qu'elle nous avait dit que je m'appelle Dory. C'est vrai, ça quand même. C'est ouf. T'as des problèmes de mémoire. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Ah bah c'est ça, les troubles de la mémoire immédiate. On va voir ce que ça va donner avec les Français. On l'a mise en contact avec qui ce matin? Daniel, c'est ça? C'est Daniel. Dory et Daniel qu'on trouve sur Skyrock. Voici la grande rencontre. Le réveil de star. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Alors on écoute la rencontre. Un poisson rencontre un Français. Pas mal, hein? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur, ça va? Bah oui, ça va. Allez, c'est pas. T'as un problème, petit? Un. Non, y a pas de problème. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça? Non, mais qui tu es? Je m'appelle Dory. Tu t'appelles Dory? Oui. Oui, mais moi, je te connais pas. Dis donc, monsieur le grand-jeu de service. Je suis pas grand-jeu, mais j'aime pas être dérangé comme ça par des conneries. Vous pouvez m'indiquer un itinéraire? C'est quoi? L'itinéraire de quoi? Ça vous dit quelque chose, P. Sherman, 42, Wallaby West, Sydney? P. Herman, 42, non, ça me dit rien du tout. J'ai quelque chose à te dire. Oui. Je crois que j'ai jamais mangé de poisson de ma vie. T'as jamais mangé de poisson, puis que ça me fout. Comme c'est bon de soulager sa conscience. Bon, écoute, arrête tes conneries. Hein. T'as un truc, là, c'est pas possible. Non, j'ai pas de truc. Ah. Moi, le téléphone, c'est pas pour m'amuser. Oula. Hey, si on joue à un jeu. Mais, j'ai pas envie de jouer. Alors, je pense à quelque chose d'orange. Mais t'as quelque chose d'orange, puis que ça me fout. Détends-toi. Respire à fond. Je suis plus que tendu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, prends ton téléphone, ton portable, rappelle les flics. Ah ouais, je t'appelle. Appelle les flics. Nemo a été emmené à Sydney. Ça n'a rien à foutre que Nemo a été emmené. Alors t'arrêtes tes conneries. Excuse-moi, mais j'insiste. Hé, hey, t'es mon voisin à côté, hein? Non, non. T'as de la chance, parce que je porte plainte. Gentil petit, n'aie pas peur. Gentil petit. Non, j'ai pas entendu tout, non? Ma mémoire a fait beaucoup de progrès depuis qu'on se connaît. Hé, ne t'amuse pas surtout pas à recommencer. Merci, les garçons. Allez, va te coucher. Allez, allez. Au revoir tout le monde. Au revoir, Dory. Au revoir, Dory. Moi, j'adore quand ils prennent ça au sérieux, les gens. Ouais, c'est ça, ouais. Daniel a parlé à un poisson ce matin et sa femme est en train d'appeler la gendarmerie derrière. Appelle. Ouais. Il y a un poisson qui nous a appelé. Il y a un poisson qui nous agresse ce matin. En plus, elle a pas de mémoire. C'était Dory. Le monde de Dory, ça sort aujourd'hui. C'est le nouveau Disney Pixar qui sort aujourd'hui. C'est ça. 7h58. Allez, on revient vite avec les infos et avec vos 1500 euros. C'est déjà tombé d'ailleurs pour les 1500 euros. Enfin, un gros bisou à Adèle qui a gagné tout à l'heure. Et votre chèque, si vous répondez Skyrock, c'est pour vous. Chouchou, veillez. Cet été, le seul son que vous entendrez sur la plage, c'est ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sur Maître Gibbs, ma beauté, le tube de l'été. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Le patron? T'as des nouvelles de Lidl? Ah oui, et des croustillantes, hein. En ce moment, les fines crêpes dentelles de Bretagne au beurre de la gamme Saveur de nos régions sont à 1,29€ la boîte de 85 grammes. Les fines crêpes dentelles de Bretagne sont à 1,29€ selon la recette pure beurre de Quimper? Tout à fait, au beurre. Ah, vous êtes un fin connaisseur, patron, hein. Oui, moi, on compte vraiment pour du beurre, bah je sais. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 15,18€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Oui. Tu aimes le cinéma? Ah bah oui, bien sûr. Tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients B-Box 20 films en VOD. Waouh, 20 films en VOD sur ma B-Box Miami? Oui. Avec les pop-corns? Ah. Non mais je demande. Bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients B-Box. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Le

Allez, 8h04. Le morning de Difool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Oui, attention, jusqu'à 9h, il va s'en passer des choses. Des places pour Rihanna à gagner avant 9h du matin. On vous les offre, les Stades de France à choper. Et les places pour l'Euro sont tombées ce matin. Finale de l'Euro qui est tombée il y a quoi? Il y a 10 minutes, un quart d'heure. Ah, ça y est, ouais. Ouais, il y a un quart d'heure. C'est Tony de Bordeaux qui a gagné ses deux places. Les places pour la finale, il y en aura d'autres d'ici vendredi, 8h. Et il nous reste des cadeaux, on a mis 500 euros là. Oui, bah tiens, on les offre juste après les infos. Bon, comme on est à la bourre, on y va vite, Rémi. Ouais. Les infos à 8h04. On démarre par la météo pour aujourd'hui. Il va faire beau presque partout. Voilà, presque partout parce qu'il y a encore des nuages sur un bon quart nord-ouest avec même des orages prévus cet après-midi partout ailleurs. Grand soleil. Les températures ce matin entre 13 et 19. 13 à Nevers, 14 Saint-Etienne, 16 à Lyon et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 24 à Caen, 26 à Marseille et à Lille, 29 à Paris et 34 tout de même. Du côté d'Angoulême, la pollution, c'est moyen. Aujourd'hui, les indices compris entre 3 et 5. 5 à Nantes, Pau, Auxerre, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulon. Oui, allez, les infos, c'est parti. On va parler des soldes, on va parler de l'euro et dans un instant, on vous en offre des euros, 1500 à gagner. Et voilà, les soldes d'été, ça commence aujourd'hui. C'est parti pour 6 semaines de bonnes affaires, aussi bien dans les magasins que sur Internet. Une période attendue par les clients, mais aussi par les gérants des commerces. L'année n'est pas très bonne pour l'instant à cause de la météo qui parfois nous conditionne un petit peu à faire du shopping ou non. Ça commence fort par endroits avec -40, -50% attendu dès ce matin. D'ailleurs, les magasins vont ouvrir là, donc c'est maintenant qu'il faut peut-être surveiller si vous avez le temps. Ouais. Fin des soldes le 2 août. Un accord trouvé chez Air France. Le futur PDG a rassuré les syndicats qui ont levé leur préavis de grève pour ce week-end. Les salaires ne vont pas baisser. En contrepartie, les pilotes s'engagent à ne pas faire de mouvement social, au moins jusqu'en novembre. 60% des Français opposés à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Résultat d'un sondage publié ce matin par Opinionware. Le référendum est prévu dimanche. Il pourrait encore être annulé par le Conseil d'État. La haute juridiction doit examiner de nouveaux recours déposés par les opposants du projet. Ce sera finalement un procès devant le tribunal correctionnel. Roff comparaîtra à une date qui n'est pas encore communiquée pour des faits de violence aggravée. Il sera jugé avec son garde du corps pour avoir agressé le vendeur d'une boutique Uncut, la marque de fringues de Booba. Le rappeur s'était lui-même livré à la police. Son avocat n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer. Une nouvelle pseudo-démonstration de force de la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang a effectué 2 tirs de missiles moyenne portée cette nuit. Le ministère de la Défense sud-coréen parle d'un échec. La Corée du Nord souhaite se doter de la force nucléaire capable d'atteindre les Américains sur leur sol. Une technologie qui leur a été interdite par l'ONU. On parle euro et mercato aussi maintenant, c'est le foot. Italie-Espagne, ce sera l'une des affiches des huitièmes de finale. La Roja s'est inclinée hier contre la Croatie de Buzyn. L'Allemagne s'impose contre l'Irlande du Nord 1-0. La Turquie 2-0 contre la République tchèque. Et défaite de l'Ukraine 1-0 contre la Pologne. Qui pour affronter la France en huitième? Eh bien, on le saura ce soir à l'issue des derniers matchs de poule des groupes E, F. Islande, Autriche et Hongrie, Portugal à 18h. Puis Italie, Irlande et Suède, Belgique à 21h à suivre en direct dans la radio libre. Enfin, Lucas va-t-il quitter ou non le PSG? Le Brésilien a fait une belle saison et il pourrait désormais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Liverpool serait prêt à tout pour se payer le milieu offensif. Sky Sport croit savoir que Klopp serait même prêt donc à mettre le paquet pour se l'offrir. Ben à suivre. À suivre. À suivre. Merci Rémi. À suivre peut-être à 8h30. Prochaines infos, il est 8h07 sur Skyrock. Yep. La journée commence bien avec Difool et Romano. Le morning de Difool sur Skyrock. Oui, avec les conseils pas chers de Romano qui arrivent dans 5 minutes là sur Skyrock. Et la journée a bien commencé pour Adèle qui a gagné à Alfortville tout à l'heure 1500 euros. Qui va gagner les 1500 euros ce matin? Je vais ouvrir l'enveloppe qui est ici. Préparez-vous. Oui. De l'argent à gagner. Et encore plus d'argent à gagner à 8h20. On jouera un jeu de thunes ce matin là. Je crois. Je vous en dirai un peu plus. Mais d'abord, allez, 8h08, ouverture de l'enveloppe des 1500 euros. Le jeu des 1500 euros. C'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Voilà, pour aller faire les soldes. Je vois toutes celles qui vont faire les soldes, tous ceux aussi qui vont faire les soldes. J'ai Jules là qui nous laisse un message qui va aller faire les soldes, qui a besoin d'argent. J'espère qu'on va t'appeler, Jules. J'ai vu le message de Vanessa, également Caroline, qui nous dit ça y est, j'en peux plus, c'est les soldes. Il y en a que ça rend complètement hystérique quand même. Ouais, Thomas, il a pas tort. Là, il nous dit les soldes, ça marche plus comme avant. Ah bah écoute, c'était mieux avant. Chez vous, ça marche bien. Hein. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a plein de magasins. Tu sais, t'as des soldes quasiment à l'année. Bah, quoi. T'as les ventes privées, c'est ça. Ouais, par internet même, aussi. T'as les soldes. T'as cassé un peu les soldes. Promotion. Alors, on va dans le 64 à Bayonne. C'est parti, il va faire très chaud à Bayonne aujourd'hui. Chez Véronique Robert. Chez Capo, il va faire 36 degrés. Attendez, je regarde Bayonne et je vous dis tout de suite. 36 degrés à Pau, on est dans le sud-ouest de la France et à Bayonne il va faire. Allô. Bah déjà j'espère qu'il va. Allô. J'espère que les 1500 euros vont tomber. Bonjour Véronique. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça, très bien. Prépare-toi, il va faire 35 degrés à Bayonne aujourd'hui. Ah. Et il va faire chaud, c'est l'été. Bon Véronique, c'est la radio au téléphone. On t'appelle pour t'offrir de l'argent. T'as tiré au sort dans l'annuaire. Ah d'accord. Eh oui, on a 1500 euros à t'offrir. Très Très bien. Très bien, il va falloir répondre à une question. Si t'as la bonne réponse, tu repars avec tes 1500 euros. Ouais. Alors, je vais te demander, Véronique, pour 1500 euros, quelle est ta radio préférée ? Énergie. Et non. C'était Skyrock, Véronique. Ah, dommage. Eh oui, dommage. Ah bah oui, ça, c'est dommage. Oui. Tu peux venir nous voir à Bayonne. On est au tout début de la bande FM. C'est sur 87.6, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Cédric, tu es là ? C'est ça. D'accord. Bravo, Véronique, pour ta gentillesse. Mais bon, pour les 1500 euros, faudra passer. La prochaine fois qu'on t'appelle, tu réponds ? Ouais, sans problème. Mais tu réponds quoi ? Oui, si tu réponds Skyrock. Ah, c'est bon. Bien, Véro. C'est bien. T'as bien pigé là-dessus. T'embrasse, Véro. Bonne journée à toi. Et profite bien de la chaleur. Oui, profite bien de la chaleur. 8h10. Bye bye. Bye bye. Ciao. Attention, les conseils pas chers arrivent. C'est pour vous. C'est sur Sky, évidemment. Après les Fifth Harmony. Le morning de Difool sur Skyrock. Come on, les shows, les shows, les shows. Premier sur le cash. I worry about nothing, I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick out the picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need but you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' do, she finesse. I fight both, she take that. Put in overtime on your body. You ain't gotta go to work, work, no. Work, work, work, work, but you gotta do work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, work, work. And my body do work, do work, work, do work, work, work. Yeah, work, yeah, work. We can work from home, oh, yeah. We can work from home. Fifth Harmony sur Skyrock à 8h13. À 8h20, on va jouer au jeu du banquier. On met 500 euros en jeu pour y gagner 500 euros pour faire les soldes. Allez hop. Et là, tout de suite, il veut gagner de l'argent. Et oui, il veut faire les soldes lui aussi. Oui, eh bien, ce matin, un nouvel objet peut-être bien utile pour aller sur la plage. Ah, c'est bien, on parle vacances ce matin. On a parlé camping tout à l'heure. Et là, on file sur la plage. Ouais, quand vous allez sur la plage, vos affaires, vous les mettez où ? Genre votre téléphone, vos sous quand vous allez vous baigner ? Dans mon sac Eastpak. Ouais, mais il n'y a pas de sécurité. Eh, non. Eh bien là, je vous propose oui. Le premier coffre-fort de plage. Et en plus, c'est swagué, tu arrives avec un coffre-fort. C'est pas chiant quand tu as beaucoup de chemin à faire pour aller à la plage. C'est un truc en fer comme dans les bancs. Non, c'est un truc en plastique en fait qui se visse dans le sable. C'est comme un seau que tu visses dans le sable et au-dessus, il y a une espèce de... Donc ça fait un récipient, tu mets tes trucs dedans et après, c'est sécurisé. Donc tu peux mettre ton téléphone, ton argent, tes clés, tout. Et tu peux aller te baigner, personne peut te voler. Ah non, personne peut te baigner. Mais comment ça tient dans le sable? Bah tu le vises dans le sable, c'est comme un parasol. Donc tu peux l'enlever comme tu peux le dévisser, partir avec aussi. Oui, après oui quoi. C'est Cariole qui est en train de foutre ton conseil pas cher en l'air, je te le dis. Non mais fout mon conseil pas cher. Déjà Edune, c'est pas moi qui fabrique le produit, donc t'appelles les fabricants si ça ne te convient pas. Fais pas chier. Là mais il y a Kitam qui dit la même chose. Et si on se tire avec ton coffre, tu fais comment? Bon écoutez, vous me faites chier. Vous avez compris ça que vous me faites chier. Non mais tiens, le mec ça prend du temps à dévisser, tu sais, il va pas dévisser le truc, il est assez profond, tu vois. Donc c'est pas le truc que tu soulèves et que tu te barres. Par contre, faut arriver un jour avant pour l'enterrer, pour creuser. Le coffre-fort de plage. Ouais, t'arrives, il y a la famille qui a avec les parasols, le bordel, ils mettent 3 heures à s'installer quoi. Au final, il reste 10 minutes et 3 heures pour repartir. Il fait nuit. Eh bien ce matin, j'arrive chez les familles avec mon magnifique coffre-fort de plage et vous me faites chier. Eh bien bon courage Romano, allez. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. On va vous le mettre en photo sur les réseaux, hein. Vous allez faire un tour sur les réseaux de Skyrock. Non mais n'empêche que ça s'appelle le Beach Vote. Le Beach Vote. Ça vaut 39$ parce que ça vient des États-Unis évidemment. Ouais. Évidemment, ouais. Et le produit sur le site est sold out. Alors c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Alors c'est bien que ça s'est vendu. Voilà, j'en avais très peu. Un gros succès. Donc c'est aux États-Unis mais ça arrive en France. Bah oui, puisqu'ils le vendent en euros. Ah ben voilà. Eh ben oui. C'est parti pour le Beach Vote. Le Beach Vote. Vault. Bon, je vais appeler ça le coffre-fort de plage. Hein. Ouais, puis je commence à partir dans les trucs Beach Vote. Oh là, on va faire un Beach Vote. Allô, Jean-Pierre. Oui, comment tu vas? Je vais bien, mais qui tu es? Eh bien, c'est Monsieur Lapin, c'est l'appareil ici que j'ai un super objet à te proposer, là. Tu vas à la plage de temps en temps, toi, Jean-Pierre? Ça m'arrive, oui. Ouais, tu sais pas où mettre tes affaires, tes clés, tout ça. Il y a des voleurs, faut faire attention. Eh bien, j'ai le premier coffre-fort de plage à te proposer. Magnifique. Le Beach. Ah oui, non, mais ça m'intéresse. Non. Si. Attends. Prends-le, c'est super. Attends, tu rigoles. Ça, machin, ça se visse dans le sable, c'est super. C'est un bordel. Tu visses ça dans le sable, sécurité maximale, on ne peut rien te voler, mon petit Jean-Pierre. Tu peux mettre ton téléphone, tu peux tout mettre dedans. Et ça, pour toi, Jean-Pierre, je te le fais à 100€. Ah ouais, c'est très gentil, mais ça m'intéresse pas. Non, mais la sécurité n'a pas de prix, Jean-Pierre. Imagine, on te vole tes clés. Les gens vont rentrer chez toi, vont te cambrioler. Tu perds ton téléphone, ça vaut plus cher que 100€. Ouais. Achète-le, Jean-Pierre, achète-le. Très bel argument de vente, madame. Allez, Jean-Pierre. Jean-Pierre, je crois que t'es un peu encore sceptique. Le mieux, c'est que je vais arriver chez toi et je vais le visser dans ton salon. Tu vas voir comme c'est efficace. Ouais. J'arrive dans 10 minutes, un quart d'heure, mon Jean-Pierre. Oui. Et je te fais une démonstration à domicile. Non, c'est pas la peine. Hein. Ah, si, je crois que ça va être la peine. Tu l'achètes sans démonstration, c'est ça? Ah, ben voilà, 100€, Jean-Pierre. Je suis là dans 5 minutes. A tout de suite, Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre a l'air complètement emballé. Ah, mais t'as vu, comme tu l'as retourné au début, il en voulait pas du tout. Après, il commence à réfléchir. Ah, c'est vrai. Le coffre-fort de plage. Et en plus, tu disais, la sécurité n'a pas de prix. La preuve, il coûte 34€, tu le vends à 100. Bah, faut bien que je marche un peu. Hein. Moi, je le fais apporter. Tu marches. Il y a des taxes de doigts. Belle marge. Il y a beaucoup de taxes, non? Ah bah énormément, là, ça a augmenté, là, de ouf. C'est qui que tu m'appelles, Cédric? Là, on va chez Michel. C'est Michel, avec ton coffre-fort de plage. Non mais... Il y en a qui sont intéressés, vous pouvez mettre le site, on peut le trouver, on va te mettre ça, ouais. Allô, Michel? Oui, comment tu vas? Ça va. Est-ce que cet été, tu vas aller te faire un peu dorer la pilule sur les plages? Oh, ça, j'en sais rien. Ah, peut-être. Bon, dis voir, j'ai un coffre-fort de plage à te proposer. Un quoi? Un coffre-fort de plage. Mais oui, un coffre-fort de plage. Ah, bah, tu n'en crois pas tes oreilles. Mais eh bien, non. Si, c'est vrai, ça existe. C'est le grand jour, c'est pour toi. C'est parce qu'il y a plein de voleurs, des pickpockets, tout ça sur les plages. Tu sais, quand tu vas te baigner, il y en a, ils piquent les clés, les téléphones. Salaud, c'est pas bon, ça. Non. Ouais, mais ça fait 2 ans que je suis plus allé à la plage. Ah, bah, tu vas y retourner cette année, tu vas Ah, bah, voilà. Eh, t'iras avec ton coffre-fort de plage sous le bras. Ça va te coûter 100 balles. Ouais, c'est ça. Et ça va te coûter 100€. Prix d'amis, hein. Pas cher. Ah bon. Ça vient des États-Unis, là-bas, ça en vaut 500, Ça vaut 39$. Oui, non, mais ta gueule. Ah, pardon. Je te fais une super promo, là. C'est les soldes, dès le départ aujourd'hui, c'est le coffre-fort de plage. À ne pas rater. Eh, bah, je passe dans 10 minutes. Il le prend. Ah mais non, mais j'en veux pas, moi. T'as dit ok. Hein. T'as dit oui, moi je suis déjà en route, là. Non, bah tant pis. Hein, dans 10 minutes, je me pointe chez toi, je te ferai une démonstration dans le jardin. Non, j'en veux pas. Ah si, t'es trop tard, t'as dit oui. Ah non, désolé. Ah si, si, t'as dit oui, tu fais pas chier, hein, maintenant j'arrive. Oui, bah la porte est fermée. Okay, ah bah je m'en fous, j'ai aussi, je vends des pieds de biche. Bon bah tu arrives avec ton pied de biche. Ah bah voilà. Très bien, le coffre-fort de plage. Non, on va vous mettre le lien. Vous ouais. foutez de ma gueule, mais cet été vous verrez tout le monde avec ce coffre-fort. Oui, bien sûr. Vous me direz. Ouais. Romano, il y avait même parlé sur Skyrock. Il est fort ce Romano. Il est 8h19. Oh, DJ Snake, you know like it. C'est ça. Ça. C'est bien ça. Et juste après, 500 euros à gagner. Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I'm no fool. Snake sur Skyrock, on écoutait une like it et on va jouer ensemble 500 euros à gagner au jeu du banquier. C'est dans un instant sur Skyrock. Le jeu du banquier, c'est simple. Je vais vous faire écouter un son et vous allez me dire où est-ce qu'on a chopé ce son. On va parler d'une émission de télé. Je vous donne un petit indice. D'une émission de télé où il y a des gens vachement intelligents à l'intérieur. C'est le petit indice que je voulais vous donner. Ah bah c'est bien parce qu'on a le choix. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup, beaucoup d'émissions intelligentes à la télé avec des gens intelligents dedans plein partout. Oui, plein. Alors quelle est l'émission de télé dont on va parler? Eh bien, tenez-vous prêts et préparez vos téléphones. C'est au 01 53 40 30 20. Ça veut dire qu'on va décrocher en direct. Vous appelez. On décroche en direct dès que vous avez la bonne réponse. C'est 500 euros pour le premier. Si le premier se plante, on prend le deuxième, il jouera pour 400. C'est ah bah ça. Oui, parce qu'à chaque fois j'enlève 100 euros. Oui, Romano, tu es nommé banquier d'ailleurs, officiel de l'émission. Oui, et le but pour moi c'est d'arriver à zéro. Oui. Il est méchant. Et là, je vous féliciterai. Bien sûr. Je vous dirai même merci. Je remets donc 500 euros à Romano. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et dans un instant, vous tentez vos 500 euros. Les soldes démarrent, de l'argent à gagner, c'est sur Sky. Préparez-vous, 01 53 40 30 20. Le son et l'émission intelligente, super à découvrir. Il est 8h23. Maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Mais tu lui racontes quoi là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Pirelli 16 pouces à 65 euros seulement. Ah, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot des Bleus.

C'est l'océan méridanien. Voilà, c'est l'océan méridanien qui est juste là. Donc, mais d'où elle a sorti ce nom? Je ne sais pas. Elle est très intelligente. Ah mais oui, tu sais, c'est ça. Tu n'as pas sa culture. C'est ça le génie. Alors attention, écoutez bien le son. Je vous le mets en entier. Là, c'est l'océan méridanien. Là, c'est la mer de la Manche. Qu'est-ce que tu viens de dire comme connerie? C'est l'océan méridanien, là? Méditerranéen? Ouais. Pas du tout, chérie. Bah, ici? Ouais. C'est quoi? L'océan méditerranéen. Voilà. L'océan méditerranéen. C'est l'océan méditerranéen. Elle est très intelligente. Mais il faut être complètement teubé, non? Oui. Cédric, tu sais, toi? Bah oui. C'est quoi? Bah, c'est la mer Méditerranée. Oh! Oui. Oh, ouais. Alors, mais en Thaïlande, non, parce qu'ils sont en Thaïlande. Allez, on prend les réponses en direct. 01-53-40-30-20. Le premier ou la première joue pour 500 euros. 500 euros, mise en jeu, on décroche en direct et vous repartez peut-être, si vous avez la bonne réponse, avec vos 500 euros. Allez, c'est allô, parti. Allô. Ouais, salut. Salut, c'est qui? C'est Kader de Bourgogne-sur-Mer. Salut Kader de Bourgogne-sur-Mer. Alors Kader, tu penses à quelle émission? Les Marseillais. Les Marseillais, ça n'est pas la bonne réponse. C'est pas eux. Désolé Kader. Désolé Kader de Boulogne-sur-Mer. 500 euros. Non, ça sera pas 500 euros. Eh non, on passe à 400 euros. 400 euros pour le deuxième. Tu quittes pas Kader, on t'envoie le t-shirt Skyrock, bouge pas. J'enlève 100 euros, 400 euros. Qui va gagner ces 400 euros? Allô? Allô? Oui, bonjour mademoiselle, qui es-tu? Oui, bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Lolita, c'est mignon. C'est pas ma faute. Ouais. Quand j'ai ma langue chat, je vois les autres. J'imagine qu'il y a des milliers de lourds qui ont dû déjà faire la blague. C'est ça. Et ce matin, c'est Karim. C'était voilà. Moi. Voilà, le lourdeau. Alors, Lolita, quelle est cette émission? Moundir et les aventuriers. Moundir et les aventuriers. Tu crois vraiment que c'est Moundir et les aventuriers? Tu crois que tu vas gagner 400 euros? Je pense que c'est ça. Eh ben, tu gagnes 400 euros. Ah, bravo, Lolita. Ouais, Lolita. Merci. Ouais. 400 euros avec un coup de téléphone à Skyrock comme ça, bing boum. Et le vrai nom c'est Moundir et les apprentis aventuriers. Ah oui, ah oui, c'est ça. On aurait pu te refuser. Ah bah donc on ne pourra pas te donner 400 euros. T'appelles d'où Lolita? Du Mans. Et ben voilà, c'est gagné. Un chèque de 500 euros qui file au Mans. 400. Ah, 400, ouais, 400 euros. Ouais. 400 balles. 400, ouais, t'es arrivé deuxième. 400 euros okay. Au Mans. Alors attention, quand même écoutez la suite parce qu'elle est quand même très intelligente, cette Aurélie. On l'a eu sur le premier extrait. Là c'est l'océan méridanien. Voilà, en Thaïlande. C'est la mer de la Manche. Qu'est-ce que tu viens de dire comme connerie? C'est l'océan méridanien, là? Voilà. Méditerranéen? Ouais. Pas du tout, chérie. Bah, ici? Ouais. C'est quoi? L'océan méditerranéen. Elle le dit franchement, méditerranéen, c'est ça, ouais. L'océan méditerranéen. Et donc là, on est avec Aurélie qui est en train de nous dire que en face de nous, donc l'eau, c'est l'océan Mérimédien. Allô, Aurélie, l'océan Mérimédien, ça n'existe pas. L'océan méditerranéen, oui, mais l'océan Mérimédien. L'océan pas où tu as vu ça. Lui est très intelligent. Il veut faire aussi, le malin. Ouais, c'est l'océan méditerranéen. Ah bah bien sûr, c'est connu. Hein. Oh, quel est con, celle-là. C'est aux États-Unis. Hein. Oh, quel est bête. Vous avez vu, elle ne connaît pas l'océan méditerranéen. Et voilà. Et elle a dit Mérimédien, alors que c'est l'océan méditerranéen. Et vous connaissez la mer Atlantique. Hein? Oh, ouais, je la connais bien. Voilà. Bon, eh bien, écoute, grâce à l'intelligence des apprentis aventuriers là, de Moundir. Ça sert en moi à ça, ça vaut 400 euros. Tu viens de gagner 400 euros. Merci, c'est super. Bravo, Lolita, on va te faire un gros bisou et on t'envoie ton gros chèque. Tu vas faire les soldes, tu vas faire des trucs aujourd'hui, t'as prévu quelque chose? Je sais pas trop, là je vais au travail, du coup c'est la première fois que j'appelle et j'ai fait sélectionner direct, donc là je suis un peu. Et c'est pour ça qu'il est super ce jeu là. Bien voilà. Joué Lolita, raccroche pas. Merci, bonne journée. On check à la maison. Gros bisous. Salut. Et Kader son t-shirt Skyrock, c'est bien. Ouais. Et puis aux places pour Rihanna à gagner avant 9h du matin, c'est évidemment sur Skyrock. 400 places à choper et on en aura deux pour vous au moins à choper tout à l'heure. On écoute Designer, Panda, c'est dans un instant après les infos et là on fait le point sur l'actu avec toi, Karim, non? Tu veux faire les infos? Mais si Karim fait les infos, moi je veux bien. On t'a pas dit, la saison prochaine, il te remplace, Rémi. Ah, bon, bah, d'accord. Oui, je suis désolé, merde. Il y a un remaniement du personnel. Oui. Mercato. C'est ça, c'est le mercato, ouais. Bon, allez, c'est parti pour l'actu. Et c'est bien Rémi, pour vos infos, rassurez-vous. Les infos et la météo pour aujourd'hui, ça monte les températures comme prévu. Ouais, ça monte les températures. C'est vrai qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Lourd. Il fait déjà lourd dans le studio, là. Oui. On a 14 degrés à Poitiers, 15 à Lille et à Nantes, 16 à Lyon et au Mans, 18 à Carcassonne et à Paris et 19 du côté de Marseille. Dans l'après-midi, il fera 22 au Havre, 25 à Quimper, 26 à Marseille et à Lille, 27 à Alençon, 28 à Strasbourg, 29 au Mans dans la Sarthe et à Paris, 31 à Auxerre, 32 à Lyon et 34 à Périgueux. L'été qui s'impose donc quasiment partout, il y a du soleil aujourd'hui, vous allez pouvoir en profiter. Malheureusement, le nord-ouest est encore un petit peu sous les nuages. nuages, voilà, et même avec des orages prévus dans l'après-midi, par contre, ciel dégagé partout ailleurs. Et puis la pollution, c'est très moyen, les indices sont compris entre 3 et 5, 5 à Nantes, Pau, Auxerre, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulon. Et toute l'actu, c'est parti, toute l'actu et tout le sport et l'euro, évidemment, sur Sky. Deux itinéraires proposés aux autorités pour empêcher les débordements et les violences. On ne sait toujours pas à quoi va ressembler la manif anti-loi travail de demain. Les négociations ont commencé hier, mais aucune réponse n'a été donnée. Les syndicats refusent toujours un rassemblement statique sur la capitale. Un accord trouvé chez Air France, c'est la bonne nouvelle du jour. Le futur PDG a rassuré les syndicats qui ont levé du coup leur préavis de grève prévu pour ce week-end. Les salaires ne vont pas baisser, c'est ce qu'il assure, ce futur patron directeur général. En contrepartie, les pilotes s'engagent à ne pas faire de mouvement social au moins jusqu'au mois de novembre. Un drame familial à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un homme a tué sa femme et ses deux enfants de 12 et 15 ans avant de retourner l'arme contre lui. Le père de famille a laissé une lettre qui accrédite la thèse du suicide. Il s'agit d'un ancien militant Les Républicains qui souhaitait se présenter à l'époque aux élections municipales. Il était en très grande difficulté financière et sa femme envisageait une séparation. Un scandale dans un décathlon en Normandie. Un individu diffuse sur des sites porno des vidéos volées de clientes en train d'essayer des maillots de bain dans des cabines d'essayage. Une plainte a été déposée et l'enseigne confirme l'information. Il s'agirait d'un client en passe d'être identifié. Et sur les vidéos, on peut voir les visages et même les poitrines des victimes qui sont parfois des mineurs. Un scrutin qui s'annonce très serré. C'est demain que les Anglais doivent dire si oui ou non ils souhaitent quitter l'Union Européenne. Un vote historique qui pourrait avoir de lourdes conséquences économiques. Ce serait triste, bah oui quand même. Un collectif de 34 grands patrons a publié une tribune dans la presse britannique et demande aux électeurs de voter en faveur du in. Les derniers sondages donnent le in et le out au coude à coude avec un petit avantage très léger tout de même pour le maintien. Oui, c'est bien. Les Anglais, restez avec nous. Bah on vous aime, même si vous mangez des trucs pas bons, même si on risque de jouer contre vous à même l'euro. Même s'il pleut tout le temps. Stay with us. Stay with us. Bah oui. Bon, alors on en reparlera évidemment demain avec toi Rémi, mais là on va filer sur le sport et sur l'euro et le mercato aussi. Ouais, bon, ou basket comme tu veux. Et du basket aussi. Allez. Moi je veux tout, le tu basket, tout le mercato, l'euro, tout. Allez, on te fait tout. L'Italie-Espagne, ce sera l'une des affiches des huitièmes de finale. La Roja s'est inclinée hier contre la Croatie de 2-1. L'Allemagne a fait le job sans briller contre l'Irlande du Nord. Score final à 1-0. La Turquie s'impose 2-0 contre la République tchèque. Et défaite de l'Ukraine 1-0 contre la Pologne. Dernier match de poule ce soir avec les groupes E et F. Islande-Autriche et Hongrie-Portugal à 18h. Puis Italie-Irlande et Suède-Belgique à 21h en direct dans la radio libre. Le mercato, c'est pas encore sûr, mais Lucas pourrait quitter le PSG. Et oui, encore un. C'est Liverpool qui serait intéressé. Liverpool qui serait prêt à mettre vraiment beaucoup, beaucoup d'argent pour s'octroyer les services du Brésilien et puis du basket. Aussi, reste avec nous, Lucas. Ne nous quitte pas. Ne nous quitte pas. Tout le monde se barre, les Anglais, Lucas. C'est fou, ça. Ouais, mais c'est pour de meilleures arrivées, je pense. Ah, que Lucas. Oui, mais ça va. Lucas, c'est pas non plus le joueur indispensable au PSG. Ah, il a fait une très bonne saison, quand même. Ah, mais merci, Rémi. Merci de remettre les choses en place au niveau du football, quand même, dans cette émission. Et puis, c'est Rémi, quoi. Quoi, ça veut dire quoi, ça? Non, mais Rémi, le football, quoi. Ouais. Bon, il y en a un autre qui se barre. C'est Tony Parker. Ah, c'est oui, basket, on le sait. Voilà, il arrête l'équipe de France après les Jeux Olympiques. Ah oui, encore faut-il se qualifier. Tournoi à Manille du 5 au 10 juillet. Ça commence mal pour l'instant en match amical de préparation contre la Serbie. Défaite des Bleus hier 77 à 79. Mais prochaine chance samedi, puisqu'ils auront peut-être une revanche à prendre contre la Serbie à Belgrade. Ils sont bons les Serbes en plus. Ouais, ils sont pas mauvais. Merci Rémi pour les infos. Ah, quel grand sportif dans le morning. Ça fait plaisir. 8h37. Allez. Le morning de Difool, 6h, 9h. On est chaud. Avec Difool et Romano sur Skyrock. Et oui, Romano, je suis sûr que ça va te faire plaisir puisque nous allons aller maintenant à la police. Oh, bah génial. Je sais que tu aimes bien. Ah, j'adore. Petit tour chez nos amis les policiers. Bonjour à la police qui nous écoute et qui se réveille avec nous le matin sur Skyrock. Bonjour à la police que vous rencontrerez peut-être ce matin. Si vous, je sais pas, si vous. Ah, bah tiens, moi je vais faire une dédicace à la police. Vas-y, Romano, vas-y. Ah, je vais faire une dédicace à Samir, auditeur de Skyrock de la PJ. Salut Samir, de la police judiciaire. Ah ouais, ça rigole pas, ouais. Tu connais des hauts gradés, dis donc. Bah, en fait, non, parce qu'un jour j'ai été les voir pour un truc et puis il m'a reconnu, donc on a sympathisé. Évidemment. Bah, je me suis dit, ça peut toujours servir. Cédric m'emmerde. Toujours lui envoyer. Bon, on va parler de la police et puis des coups de fil qu'ils reçoivent la police. On avait fait ça avec les pompiers. Il y a un mec qui avait sorti un livre sur les pompiers. Ah, les coups de fil à la con, genre. Les coups de fil à la con. Oui, bonjour. J'ai un petit problème. Ma fille ne veut pas manger sa purée. Oui, est-ce que vous pourriez m'aider? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? C'est ce qu'on demandait aux pompiers, en gros. Eh bien, aux États-Unis, il se passe plein de choses. Dans le monde entier, il se passe plein de choses. En France également et même au Canada. Et au Canada, il y a une femme qui a appelé la police. Alors pourquoi elle a appelé la police? Je sais pas. Je sais pas, là. Oui, alors là, il y a un maximum de possibilités. Oui, pour trouver, ça va pas être évident, là, ouais. Elle avait un problème avec un truc qu'elle avait commandé à manger. Je sais pas, elle était périmée, elle voulait porter plainte. C'était pas bon, ça avait froid. Alors, le truc qu'elle avait commandé était périmé, porter plainte, c'est pas ça. Pas bon, c'est pas ça non plus. Froid. C'est pas ça non plus. Trop chaud. Trop chaud. Ah. C'est pas ça non plus. Elle a trouvé un truc dedans. Elle a trouvé un truc dedans non plus. Et on a des séjours à Disney ou Europa Park à filer. On peut trouver, ouais. Bon, alors. Ah, Cédric paye. C'est lui qui paye, ouais. Vas-y, non, moi, j'en veux bien un aussi. Ou alors, ou un maillot de foot si vous voulez. Ouais, maillot de foot, ouais. Allez, je vous offre un maillot de foot si vous trouvez. La dame, donc, a appelé la police. Et bon, je vous donne un petit indice, elle a commandé une pizza. Et elle a appelé la police. Ah, elle était pas. Mais pourquoi? Elle était pas assez ronde. La pizza n'était pas assez ronde. Non, mais on est à peu près dans le. Ah, il manquait une part. J'avais un pote qui faisait ça. Il était livreur de pizza. Il coupait des petits bouts de pizza. Et après, il la recollait en faisant croire que la pizza était entière. Ah, il en mangeait un petit bout. Ouais, il mangeait un petit bout. Eh, pas cher la nourriture. Non, c'est pas ça. Bon, pourquoi elle a appelé les keufs? On s'en occupe dans un instant et on va filer à la police. Prépare-moi des commissariats aussi. Allez, direction sur la police. Allez. Et juste après, Panda. Le son de Designer sur Skyrock à 8h39. Et n'oubliez pas, Rihanna a gagné aussi, hein, les places pour Rihanna. Ce sera dans moins de 20 minutes, puisque j'ai promis avant 9h. Avant 9h, on lance le top et vous gagnez Rihanna. Les concerts Skyrock dans les plus grands stades de France. L'Alliance Riviera, le grand stade de Lyon, le stade Pierre-Mauroy et le stade de France. Pockets full, done. Selling ball, done. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they pull up your bandit. Hope your killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. Why is he brand new? Pockets full, done. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they pull up your bandit. Hope your killers understand it. Hey! Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted up Lena Street, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let designer, over to Lattice Street. They be acting rats, I know we clapping you. I be pulling us up in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black and six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime and gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, this count for digits. Say you make you a lot of new money. No killers pull off in the inner baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a filler, fill up on filler baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trinning. Chop the dawn, doing business. In the rave, doing the fool, and doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Why is he panda? Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your bandit. Killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is he panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your bandit. Hope your killers understand me. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Et on salue Greg qui a fait péter les haut-parleurs de sa caisse en écoutant Panda. C'est vrai qu'il est super ce morceau. Designer sur Skyrock. Major Lazer arrive dans un instant. Mais revenons au problème de la police, les numéros d'urgence de la police qui ne reçoivent pas que des appels d'urgence. On parlait d'une Canadienne qui a appelé la police parce qu'elle avait un problème avec sa pizza. Ah, la police arrive. Elle est là, elle intervient. Alors vous avez proposé plein de choses. Ils ont livré une pizza hallucinogène, nous dit Julien. 23 ans, c'est pas ça Julien. La pizza était froide pour Nini, c'est pas ça dessus non plus. Raph, il y avait du fric ou de la drogue dans la boîte à pizza. Non, c'est pas ça. Elle a pas aimé. C'est, tu trouves du fric, moi j'appelle pas les keufs. Ouais, hein. Tu la fermes. Ouais. T'appelles ta banque et tu leur dis. Non, genre, limite, j'en commande une deuxième pour voir si ça fait pareil. Il y a Supreme du 75 qui nous fait appeler la police tout simplement pour commander sa pizza. Sam du 56, pizza avec des poils pubiens. Oh, non, une pizza aux poils. Non, c'est pas ça. C'est une tarte aux poils en général qu'on mange. Hein, ça. Ouais, c'est plus ça. Ouais. Sam du 56. Il manquait la sauce piquante. Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Vous savez qu'il y a plein de gens qui appellent la police pour tout et n'importe quoi. On va prendre le gagnant, je vous donne la réponse dans un instant. Vous savez qu'un homme a appelé la police pour demander le numéro du vendeur de pneus local parce qu'il avait un problème à son pneu, le pneu avait crevé. Oui, oui, bonjour la police, je voudrais le numéro de téléphone, s'il vous plaît, du garage. Je crois que c'est les renseignements, quoi. Bah, il y a quand même une femme aussi qui s'est plaint parce que le mec derrière était garé trop près d'elle. Oui, oui, allô, la police, la voiture est trop collée à la mienne. Ouais. Il faudrait faire quelque chose. Des mecs sur un chantier aussi qui ont appelé parce qu'une machine à café leur avait pas rendu la monnaie. Oui, je voudrais vous signaler que la machine à café qui se trouve sur le chantier, là, juste en face de la gare. C'est une voleuse. Oui, est une voleuse. Elle ne m'a pas rendu ma monnaie. Me manque 10 centimes d'euros. Ouais, c'est terrible. Vous imaginez les filles comment ils réagissent. Il y a une femme aussi qui a appelé parce que sa colocataire avait utilisé sa brosse à dents. Oui, je voudrais porter plainte. Oui, alors là, c'est trop. Vol, elle a utilisé ma brosse à dents, c'est pas bon. Là. C'est pas mal, hein. Un homme a appelé également pour signaler son fils qui refusait de mettre la ceinture de sécurité. Bah, j'espère qu'il l'a embarqué. En cabane, mettez-le en cabane. Ouais, mettez-le en cabane, j'en peux plus du gamin. Je voudrais dénoncer un jeune délinquant, c'est mon fils, il est à côté de moi dans la voiture, il ne veut pas mettre sa ceinture. C'est pas mal. Alors tiens, on a la réponse pour l'histoire de la pizza là. Il y a Zacharia, Zach en direct avec nous à Évreux. Salut Zach. Salut Difool, ça va? Salut Zach. Ouais, ça va. Ça va bien ce matin Zach. Donc t'as 25 ans, t'es Évreux et t'as la bonne réponse. Pourquoi elle a appelé la police la dame? Parce qu'il n'y avait pas de fromage sur sa pizza. Et oui, il n'y avait pas assez de fromage sur sa pizza. Et elle n'était pas contente. Elle a donc décidé d'appeler la police. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'ils ne disent pas comment elle a été reçue par les keufs. C'est dommage. Ouais, c'est pas très bien je pense. Bonne réponse Zach. Tu viens de gagner ton maillot. Tu prends ton maillot des bleus, ton maillot d'une autre équipe, ton maillot de... On n'avait pas dit Disney ou Papa Marc. Non, là, moi, allez, un Disney, c'est bien un Disney. Un Disney, c'est bien. Aller, eh ben, un Disney, c'est bien alors. C'est vrai que j'avais aussi dit Disney. Bah oui. Eh ben oui. Merci. Sinon, t'envoies un maillot de Disney avec la tête de Mickey. Ouais, dessus. Voilà. Alors, un t-shirt Mickey. Tu peux également remixer le truc. Et en cadeau, de n'importe qui Mickey aussi. En tout cas, bah, tu quittes pas, Zach. En tout cas, c'était la bonne réponse. Bravo à toi. Bravo, Zach. Félicitations. Je vous remercie, les gars. Bah, nous je aussi. Kiffe. Je vous écoute tous les jours, matin et soir. Ah, c'est super. T'es super, Zach. Faut écouter Skyrock. Ouais, bien joué. Et on a les meilleurs auditeurs du monde. Hein. C'est pour ça qu'on est là tous les matins, tous les soirs. Bravo, Zach. Tu salues tout Évreux pour nous. Salut, salut, salut les gars. Ciao. Salut. Ciao. Ciao. On file à la police alors. Allez, direction la police. Allez, c'est parti. Le French Test sur Skyrock. Alors, on y va pour la police. Donc ce matin, les problèmes. Qu'est-ce que tu vas être plein de quoi alors? La machine à café, t'as pas rendu ta monnaie? Ouais, ou alors Cédric, on pourrait faire un truc avec Cédric, genre Cédric a bloqué les toilettes pendant toute la matinée, moi je peux pas faire le besoin. Tu voulais porter plainte? Ah bah j'en peux plus, c'est mon colocataire, je vais dire. Très bien, moi je fais le truc de la machine à café qui rend pas la monnaie parce qu'à Skyrock on est une police machine. Police de Milly, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, madame, monsieur, dame. La police? Elle-même. Oui, elle-même. Bonjour. Ah, vous êtes donc une femme, bonjour madame. Oui, que j'aurais besoin de vos services ce matin, s'il vous plaît. Qu'on a un petit problème ce matin. Oui. Je vous écoute. Oui, que je suis en colocation avec un ami. Oui. Et que ce matin, il a utilisé les toilettes toute la matinée, je n'ai pas pu mettre les pieds. Donc j'aimerais quand même lui faire respecter le règlement de vie dans l'appartement. Comment je peux faire? Tout à fait. Je peux venir chier chez vous peut-être? Oui, si vous voulez, oui. Ah bah voilà, bah je vais venir poser mon colombin chez vous. C'est bien pratique. Oui. Je vous passe un ami qui lui aussi a un problème. Oui, excusez-moi, j'ai un problème avec une machine à café. Ça, c'est des problèmes de... Ah bah ça, c'est un grave problème. Vous savez que j'ai mis 1 euro dans la machine à café pour un truc à 80 centimes. Mm-hmm. J'ai jamais eu mes 20 centimes. Ah, je démolis la machine. Alors, vous m'autorisez à démolir la machine? Oui, tout à fait. Très bien, très bien. Sinon, j'ai un fils également. Il ne veut pas mettre sa ceinture dans la voiture. Est-ce que vous pouvez l'interpeller? Je lui donne des claques. Et vous lui filez des claques, vous avez le droit de le taper des coups de poing aussi. Hein. Une autre petite question, là, hier soir je me suis garé, il y a un con, il s'est garé juste à côté de moi, là. Il a tout serré les pare-chocs, comment je fais? Je lui défonce la bagnole. Ça c'est plus dangereux, il y a des témoins ou pas? Non, il n'y a personne. Non, c'est une petite rue. Ah, casser la bagnole. Casser la bagnole, très bien. Okay. Bon, bah, en tout cas, vous êtes super, merci pour les petits conseils ce matin. Bonne journée. Vous n'auriez pas le numéro du vendeur de pneus? Pour. Vous avez crevé des pneus aussi? Oui, mais oui. Ah ouais, mais ça c'est pas sympa ça. Hein. Alors on peut en voler sinon. Bah les mecs qui s'est garé juste derrière. Ouais, on va lui prendre ses pneus. Premièrement. Voler c'est pas bien, et voler c'est pas beau hein. Ah, vous trouvez? Mais c'est pas beau. Ouais, c'est pas beau, pas beau voler. Je vois qu'on connaît ses classiques. Tout à fait. Eh ben merci la police. Eh ben vive la police. Bonne journée. Oh, bonne journée la police. Au revoir. Au revoir. La police toujours là pour nous rendre service. Sympa. Hein. Ah, ils sont cool. Hein. C'est bien comme slogan ça d'ailleurs. Je devrais le proposer à Bernard Cazeneuve. La police toujours là pour vous rendre service. Bien. Oh, 8h48. On va parler des soldes dans un instant. Tiens, le budget pour vos soldes. Vous nous dites sur le 41-759 sur l'appli Skyrock et on aura avec nous une spécialiste. Bonjour messieurs, ça va? Ça va. Eh, ma chérie. C'est oui, l'air connu. Ah, c'est Christina, oui. Ça va chérie? Ça va ma chérie. Va bien. Bien. Tu as vu comme je suis beau? C'est magnifique. Ah, magnifique. Tu trouves vraiment que je suis magnifique? Canon, quoi. Canon, canon, ça m'étonne pas. Regarde, tu as vu, j'ai mis un petit t-shirt blanc aujourd'hui. Je me suis dit, avec le soleil, ça va bien ressortir, tout ça. Ça fait très joli. Très joli, très joli. C'est la classe. La classe, la très classe. Bien. Et tu as vu comment est habillé Cédric ce matin? Je suis pas fan. Oui, je sais. Personne n'est fan. Ouais, moi non plus, oui, ça je sais, oui, j'ai vu. C'est pas génial. Hein. Ça vous donne un double menton. Non, mais il en a quatre. Hein. Il a quatre mentons. Oh, chérie! Eh oui, oh là là là là. Quatre mentons, Christina Cordula pour les soldes, ce sera pour le réveil de Star, c'est elle qui vient réveiller les Français. Et vos soldes, ce que vous allez acheter et combien vous mettez dans les soldes, vous nous dites, on en reparle tout de suite. Justin Timberlake. Justin Timberlake revient avec un nouveau tube. Can't Stop the Feeling. Can't Stop the Feeling. Maintenant disponible. En ce moment, avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Je sais pas chez vous, mais chez nous, personne ne regarde le même sport à la télé. Le grand, c'est le basket, la petite, le tennis, et mon mari, le foot. Le problème, c'est qu'à chaque sport, son abonnement. Pour vous, SFR se réinvente et réunit tous vos sports préférés dans un seul et même abonnement. Jusqu'au 10 juillet, la fibre power avec SFR sport inclus est à seulement 29,99€ par mois pendant un an, puis 39,99€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, engagement de 12 mois, location de la box plus 3€ par mois, détails sur sfr.fr. Allez, avant de parler des soldes, voici l'horoscope de l'amour de ce mercredi 22 juin. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Les béliers, les capricornes, on a zéro aujourd'hui. Voilà, autant que ce soit clair dès le début. Voici notre puissance amoureuse du jour. Il va falloir être patient aujourd'hui, patient pour séduire, patient pour faire plaisir, et même très très patient. En gros, il faut patienter jusqu'à demain, ça sera mieux hein, pour tout ce qui est affaires de cœur, affaires sentimentales. Béliers, capricornes, zéro. 1 sur 5, les gémeaux et les balances. Emploi du temps chargé aujourd'hui, vous délaisserez un peu l'amour, vous avez autre chose à faire. 2 sur 5, les scorpions et les lions, une journée pas trop mal. Il faudra être réactif pour ne pas laisser filer les bons moments. En amour, les scorpions et les lions, vous avez 2. 3 sur 5, les sagittaires et les vierges, c'est bien. Ouais. Vous serez cool aujourd'hui, sûr de vous en amour. Ça renforcera votre charme qui est naturel, bien sûr. 4. Les poissons et les cancers, vous aurez de la répartie. Vous aimez charrier vos proches, et bien ils apprécieront votre côté coquin, taquin, tout ça. Super, les poissons, les cancers. Et les meilleurs, les verseaux et les taureaux. Ça nous promet un beau clash pour ce soir. Je vois que Cédric a 4, Romano t'as 5. Ouais, c'est encore mieux. On aura un beau clash ce soir, en direct dans la radio libre. Verseau taureau, donc vous avez 5 sur 5. Une belle rencontre pour les célibataires, en tout cas un amorçage de relation. Et une bonne surprise pour tous ceux qui sont en couple. Tout est possible pour vous faire plaisir en ce mercredi. Verseau et taureau, 5 sur 5. Les soldes, on en reparle. Qui va faire les soldes dans l'équipe? Carriole? Non! Romano, t'attends. Moi, j'attends la deuxième démarque, moi. Très bien. Karim. Comment, Romano? C'est bien, je suis tes conseils, t'as vu. Hein. Ah non, mais. Rémi. Non. Non, pourquoi pas de solde? Bah, parce que j'ai pas envie de claquer mon fric là-dedans. D'accord. Et Cédric, ça? Non, non plus, non. Moi, j'achète que non soldé. Ah, bah oui. Ah ouais, c'est pas assez cher, ouais. Moi, je peux faire payer plein pot. Ah ouais, je préfère. Pourrais pas augmenter le tarif, s'il vous plaît. C'est vrai que Cédric, t'aimes bien gaspiller des sous. Hein. Non, c'est pas gaspiller. Bon, vous avez vu, c'est pas très solde dans l'équipe. On va voir chez vous. Solde, pas solde. Combien vous investissez dans le bordel, vous nous dites? On y revient tout de suite avec Christina Cordula qui arrive. Elle arrive et voici Major Lazer. Magnifique, c'est super ça. Hein super chérie. Eh oui, allez go. Stop sur Skyrock à 8h55. La journée des soldes, eh bien, c'est aujourd'hui. C'est parti pour les soldes d'été. Est-ce que vous allez y aller ou pas du tout? Ah, Sandrine la pauvre, elle a 0 euros de budget. Oui. C'est la dèche. Il y en a plein qui nous demandent d'appeler pour les 1500 euros. Ah, bah les soldes, oui, c'est moins cher, mais c'est pas gratuit, oui. Oui, c'est vrai que les 1500 euros aideraient pour toi, Sandrine, et pour les autres aussi. Ah, il y a Benji, lui, il est anti-solde. Budget 0 euros. En plus, j'ai horreur de faire les soldes, horreur des gens cinglés pendant les soldes. Il faudrait me payer pour ça. Ça, c'est le message de Benji de Reims. C'est vrai que c'est un peu l'hystérie, surtout le premier jour. Quand tu vois à la télé les mecs qui se glissent en dessous des rideaux. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est les mêmes images qui passent depuis 5 ans. Ah, c'est toujours les mêmes. Oui. Ah, ben non, mais tu verras. Mais c'est déjà arrivé, ouais. Non, mais vous verrez, le rideau s'ouvre, il y a des gens qui se glissent et se battent pour les machines à laver et pour les télés. Tous les ans, c'est les mêmes images. Pas cher. Ah non, mais pas cher, ouais. Ouais, ils ont des économies à faire à la télé, là. Mon budget, c'est les 1500 euros que vous allez bientôt m'offrir. Lol, message de Debs. On te fait un bisou, Debs. Bisous. J'espère qu'on t'appellera bientôt pour les 1500 euros. Il y en a un qu'on a appelé ce matin, c'est Adèle. Lui, après aller faire les soldes, s'éclater comme une bête. Ça va aller, ouais. Alors, les soldes 200 euros dans le magasin où je taffe. Je commence aujourd'hui la préparation des soldes. Ah, t'achètes directement dans le magasin. Comme ça, tu peux choisir les meilleurs trucs. Non, mais en plus, t'as des réductions en plus. Hein. Bah oui. Ah. Quand t'es employé, le magasin te fait des réductions. Bah non, pourquoi tu bosses pas dans un magasin entre 9h et 21h t'es libre. Bah, c'est vrai, ouais. Quel feignant je suis, quoi. Grave. Enfin, de 9h10 jusqu'à 21h, tu peux, non? Ouais, et puis même la nuit, je pourrais faire, barman. Pourquoi tu dors, ouais? Barman dans sa barre de nuit ou... Comme ça, je pense qu'il t'offrira à boire. Ouais, bah, ouais. Moi, je vais utiliser 200 euros minimum. Ouais, Jérémy Corbeil, lui, il a prévu, il a 16 ans, il a prévu gros investissement. Ah, la clima, elle, c'est pour le bébé qui arrive en août. Ah, il y a des trucs en solde pour les bébés, des trucs en solde. Ouais, partout. Hein. C'est vrai. Moi, les soldes, c'est sur Internet uniquement pour Carmelo. Salut à toi, Carmelo. Les soldes, vous avez pas des places de Rihanna en solde? Non, on a des places de Rihanna gratuites sur Skyrock. On va vous les offrir dans un instant. Là, il y a Cyril de Brest, il a gagné 200 euros avec nous lundi, il les attend pour faire les soldes. Parfait. Bon, on te les envoie vite alors, hein. Moi, je déteste les soldes. Il y en a plein qui détestent les soldes, hein. Pourquoi? Ah ouais, ça fait saigner ma carte bleue, c'est à cause de ma meuf. Mon pauvre Ayo du 93. Non, mais surtout, les meufs, c'est un peu leur spécialité. C'est genre carriole, on va faire les soldes. Ouais. Romano, va être, c'est le moment miso, la minute miso de l'émission. Écoutez, allez, vas-y. Non, mais c'est la vérité en plus. On va faire les soldes, le truc qu'elle veut acheter, c'est le seul truc qui n'est pas soldé. Ouais. Non, mais c'est ça. Les dernières, on avait été faire les shots chez Levis. Moi, je prends deux jeans soldés, j'étais bien content. Oui. Carriole, elle me dit, je vais prendre un. Elle en prend un, le truc, c'était le seul qui n'était pas soldé du magasin. Je m'en suis pris deux, même pas soldés. Voilà, deux. Moi, tu refuses rien. Je vais acheter 4 paires de nouvelles Air Max aujourd'hui. Ah ouais, elle fait les stocks, quoi. 4 paires, ça va te faire cher, même en solde. Hein. Mais écoute, bons achats à vous tous et à vous toutes. Et voici une des spécialistes des soldes. Ma chérie. C'est ma chérie, mais oui, on la retrouve. Christina Cordula avec nous. C'est l'heure du réveil de star. Le réveil de star. Une star. Un appel. On écoute. Et oui, tu as vu, toute l'équipe est là. Elle m'a fait plein de compliments. Hein. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Hein. C'est quoi? C'est mon habillement? C'est plutôt ma beauté naturelle, peut-être. Top canon, j'adore. Oh, top canon, j'adore. C'est bien. Merci, Christina. C'est super. Bravo. De rien. Je te présente également Romano. Il est là. Salut, vous. Christina. Il est mignon. Ah, oh, bah, c'est gentil, ça. Ouais, il est mignon. Et Cédric. Je te conseille de changer de boutique, ma chérie. Bah, pourquoi? Ah, faut changer de boutique, ma chérie. Ah, faut changer de boutique, ma chérie. Tu changes de boutique. Et Christina Cordula est avec nous pour réveiller les Français. Et ce matin, elle va réveiller Patrick. Ouais, c'est Patrick. Le réveil de star, tous les matins, 6h10, 7h50, 8h50. Bon, là, 8h58. Hein. Non, ça va aller. Allez. Allô? Bonjour, messieurs, ça va? Ouais, c'est qui, hein? Je sais pas. Et ta sœur? Arrête! Oh là là! Je vais être abruti, hein. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Mais, tu es enculé. Bon, à chacun son goût, hein, chéri, hein. Eh, ça va durer longtemps ton truc de merde, connard, hein. Oh là là, arrête avec ta grosse tête. On va pas bien s'entendre, hein. Ferme ta gueule, espèce d'enculé, va. Mon Dieu. Eh, toi, si jamais je te chope, je vais te niquer ta gueule, t'es de bâtard. Non, mais c'est une femme. T'as intérêt d'assurer, parce que tu te la racontes. Eh, je me la raconte, ouais, bah viens, descends. Tu veux venir dans chez moi? Mais oui, chérie, on va faire des selfies, photos, bises, tout ce que tu veux. Ça me fait plaisir. Ah. Eh bah, allez, j'y vais. Allez, je t'attends, espèce de connard, va. Aïe aïe aïe, mais va falloir le faire, hein, courage. Ouais, moi je t'emmerde. Bye bye. Bye bye. Mais je crois que le courant est bien passé. Je pense que c'est vrai. C'est une affaire qui marche, on peut le dire. Bon, Christina Cordula, beau être brésilienne, elle est brésilienne. Oui, oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Ce n'est pas un homme. Bah, hein. Oui. Je voulais dire au monsieur. Pas connard, c'est connasse. Oui, connard. Elle a une voix un peu spéciale, mais on va. Ma chérie. Donc connard, bâtard, non, connasse, bâtarde, à la limite. À la limite. Hein, je dis ça pour Patrick qu'on a eu au téléphone. Christina Cordula. Moi, j'aimerais bien faire les soldes avec elle. Elle me fait rigoler, moi, Christina. Ah, ma chérie, si elle est moche. Pas trop longtemps parce qu'elle peut te manger.

toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'écrit. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Et plus le temps passe, je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des strass, j'appréhende toujours quand je monte sur l'estrade. J'entends le bruit de la foule, maman t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la meuf qui m'entoure. On dit que j'ai prié à l'enceinte dans mon tour. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Le morning de Morning Daddy Fool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Ouais, jusqu'à 9h10, hein, vous êtes oui, pour, oui. Ah, 9h10. On fait les prolongations tous les jours. Oui, on se retrouve avec le zap du morning dans un instant. Mais d'abord, les places de Rihanna à gagner. Et ouais, vous en avez à gagner toute la journée. Il y en aura à choper avec Fred qui arrive juste derrière. Ah, bah, il y en a 400. Avec toute l'équipe, avec nous ce soir entre 21h et minuit. Et oui, on a 400 places à vous filer pour aller voir Rihanna partout en France. Elle débarque juste après l'Euro et elle squatte les grands stades de France. Ce sera déjà le 15 juillet à l'Alliance Riviera à Nice. Ouais, elle attaque par là-bas, ouais. Et après à Lyon le 19, le 23 juillet à Lille et le 30 à Paris. Vous voulez vos places pour Rihanna? Eh bien, c'est parti! Ça tourne! Oui! 400 places de concert Rihanna à gagner sur Skyrock. Et ouais, 400 places à gagner, c'est pour vous, c'est sur Sky. Et alors, qui est-ce que tu as tiré au sort, Cariole? Gaël. Gaël, garçon ou fille? Fille. Ah, c'est bien, Cariole. Et Cédric, je ne sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais, Cédric? On l'appelle. Ah bah c'est bien, oui, c'est bien. Bah, bonne nouvelle, c'est bien, c'est pratique. Vous avez vu, tout se passe en direct dans le morning, c'est ça qui est magnifique. Là, on tombe sur son répondeur. Ah bah c'est con. Ah bah on va en prendre un autre alors. Oui, on va essayer de la rappeler. Oui, alors, oh, bah, comme tu es généreux, Gaël, on est gentil, on essaye de te rappeler. Mais vraiment, une fois, sinon, bah, c'est vous qui vous êtes inscrit qui allez faire tourner à sa place. Allô? Allô? Ah! La voilà! Ah, trop bien! Et là, on est joignable maintenant, hein! Salut, ça fait désirer! Eh oui, c'est ça les filles, vous avez raison. Gaël, t'es à Cherbourg et t'as 20 ans, c'est ça? Oui. Et tu veux Rihanna? Ah bah oui, en plus ça va être près de mon anniversaire alors. Ah bah écoute, ce sera un beau cadeau d'anniversaire si tu gagnes. On fait tourner la roulette, c'est parti, Rihanna a gagné. Tu sais comment ça marche, tu dis stop quand tu veux. C'est bon, elle a l'air de connaître. Très bon, tu connais. Attention. Tu gagnes deux places pour aller voir Rihanna, c'est gagné Gaël. Bravo. Tu iras donc au concert de Rihanna avec qui tu veux. Tu vas ramener qui avec toi Gaël? Ah bah ton chéri. Ton chéri, il va être content ton chéri. Comment il s'appelle ton chéri? Florian. Eh bien Gaël, 20 ans de Cherbourg. Et Florian, je ne sais pas quel âge, je ne sais pas où il est, il doit être dans le même coin à peu 23 près. Ans de Cherbourg aussi. 23 ans de Cherbourg aussi. Vous irez donc au concert de Rihanna. Profite bien, éclate-toi comme une folie. Bon anniversaire d'avance Gaël. Ben oui. Ah merci. On fait un gros bisou. Salut. Salut Gaël. Merci, ciao. Bisous. Allez, le zap du morning, c'est l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans le morning? Oh là là. Ben, plein de choses. Vous savez qu'on a eu, un poisson qui a réveillé les familles. Ouais. Dory. Elle sort aujourd'hui dans les salles. Eh bien, elle réveillait les Français ce matin. Bon, les conseils pas chers, je vous en parle pas. Un succès exceptionnel. Ah, ouais, magnifique. À part avec son truc coffre-fort. Non, mais. À part le coffre-fort de plage. Mais n'empêche qu'il y a eu plein de messages et on m'a envoyé des trucs sur mon Twitter. Il y en a plein qui veulent l'acheter. Bah, vous allez sur les réseaux Skyrock, vous verrez. Le magnifique coffre-fort de plage. Bon, l'histoire des billets aussi. Enfin, bon, écoutez bien, c'est le zap du morning. Et puis les places aussi pour l'Euro qui sont tombées ce matin. On va faire la finale à Tony. La finale Le zap du morning. C'est les supporters de l'Euro, on est qualifiés pour les huitièmes. Champion, mon. Excusez-moi, je me suis trompé de jour. C'est celui d'hier, non? Oui, non, ça c'est celui de la semaine dernière. Ah, semaine dernière. Alors voici le zap du morning d'aujourd'hui, parce que c'est mieux, non? Ouais, c'est ça, donc nous sommes mardi. Oui, nuit, 22. Mardi, mercredi. Mercredi. Le zap du morning. Bon, dis voir, je suis avec quelques amis, on va faire du camping sauvage à côté de chez toi. Et à quel endroit? Ah bah, à quel endroit? Dans ton jardin. Mais attends, je comprends rien du tout à ton appel. Je suis Monsieur Lapince, je suis avec des amis, ils sont là. Bonjour. Ouais, bonjour. Et en fait, nous sommes des baroudeurs, des gens du. Comme ça, on se déplace. On fait un road trip. Bon bah écoute, moi je comprends rien du tout à ce que tu dis, je sais pas d'où tu appelles. Je comprends rien, tu lui dis road trip. Je sais pas qui tu es, donc je raccroche. Hein. Qui dit vrai, qui dit faux? Le néo-zélandais qui fait l'amour à sa roue de secours ou Cédric et son enfant de 3 ans? Bon, je dirais Romano, Faux et Cédric Mito. Ah ouais, donc tu me suis, j'espère que c'est la bonne réponse. Eh bien, je n'aurais pas si c'est la bonne réponse. Bravo. Bien joué Marie, félicitations. Vous décrivez Skyrock. Je suis avec un ami qui aimerait acheter des préservatifs chez vous. Le problème qu'on a, c'est qu'on sait pas quelle taille prendre. Ah ouais. Vous êtes qui? Vous appelez comment, monsieur? Moi, je suis Diffoul de Skyrock. Diffoul de Skyrock. Oui, oui, je suis avec un ami Romano qui voulait acheter des préservatifs ce matin, il ne savait pas quelle taille prendre. Oui, c'est ça, je voulais acheter des préservatifs pour Cédric qui a un tout petit sexe. Bien sûr. Il ne s'est pas demandé. Oh, t'es gentil, Romano. Je peux faire quelque chose pour vous alors. Ah bah, je peux vous faire rentrer à l'intérieur. Ah, donc on va pouvoir faire une petite séance d'essayage. Ah bah, alors. C'est parfait ça. Éventuellement, j'ai peut-être une collègue qui peut s'occuper de vous. Ah. J'aurais dû me présenter tout de suite. Ah, c'est bien, il y a une collègue, son métier c'est en fileuse de capote. Ouais. Je vous ai demandé quel était le joueur qui est le joueur le plus rapide de l'Euro 2016. Il a été enregistré en pointe à 32,8 km/h. C'est pas beaucoup, moi j'ai déjà fait du 50. Ouais, facile. En marchant. Hein. Avec carbure. En moonwalk. Ouais, carbure, c'est vrai. Alors, c'est qui? C'est Coman. Carbure, c'est Kingsley Coman. C'est Coman. On a le joueur le plus rapide. La fusée. C'est ça. Deux c'est places ça, pour ça. La finale de l'Euro, c'est gagné. Bravo. Ah bah oui, bravo. Super, merci, bravo. C'est gentil, c'est vous déchirer. Tori et Daniel qu'on retrouve sur Skyrock. Voici la grande rencontre. Un poisson rencontre un français. Pas mal, hein? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. T'as un problème, petit? Non, y a pas de problème. T'as un truc, là, c'est pas possible. Non, j'ai pas de truc. Moi, le téléphone, c'est pas pour m'amuser. Détends-toi. Respire à fond. Là, je suis plus que tendu. Gentil petit, n'aie pas peur. Gentil petit. Non, j'ai pas peur du tout, non. T'amuses pas surtout pas à recommencer. Au revoir, Dory. Nous, c'est la radio, Adèle. Oui. On est en direct. Oui. Et on a 1500 euros à offrir. Oui. Il faut répondre à une question, Adèle. Je vais te demander quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne réponse, tu gagnes 1500 euros. C'est Skyrock. Ah, bah oui. J'accepte la réponse. Gagné. C'est la bonne, Adèle. Tu viens de gagner 1500 euros en direct sur Sky ce matin. Bravo, Adèle. Bravo, Adèle. T'es sérieux? Mais toujours très sérieux le morning, vous avez remarqué, hein, on met des Français en rendez-vous avec des poissons, on offre 1500 euros, non là c'était sérieux Adèle, t'as bien gagné. Alfortville, il a bien représenté Alfortville, 94, oui. C'est tombé ce matin, ça tombera peut-être chez vous demain matin, puis n'oubliez pas les places Crédit Agricole pour l'Euro 2016, finale qui est tombée ce matin, il nous reste des demi, il nous reste la finale encore. Aussi, ouais. Restez bien dans le coin, soyez là entre 6h et 9h demain matin pour gagner vos places, et pour venir faire la con avec nous, dès le réveil demain, il y a le brevet, non? Ouais, c'est demain. C'est demain le brevet. Jeudi et vendredi, ouais. Bon courage si vous êtes en pré-brevet aujourd'hui. Bonne révision. Détendez-vous, cool. Il paraît que la veille des examens, faut jamais réviser. Bien sûr, oui. Oui, sauf si t'as jamais commencé à réviser, c'était bien de bien le faire un peu quand même. Ah oui, c'est vrai que vu comme ça. Il faut essayer quand même. Bon, Fred va vous détendre toute cette matinée. Je suis là, prêt pour le massage. Ah bah c'est magnifique, Fred. C'est parti. Bah quand vous voulez. Bah on va y aller les 9h13. On vous donne quelques rendez-vous quand même à pas louper tout au long de la journée. Vos places pour Rihanna, mais tu vas t'en occuper déjà ce matin, Fred. Avant midi. Ouais. Tout à l'heure, Jules a retrouvé en pleine forme, Jules. Ce sera avant 21h. Ouais, juste avant. À 20h. Pendant une heure, ouais. Jules et l'album à découvrir, ils sont vendredi. Et puis à 21h, nous on débarque en direct avec des matchs de foot à suivre. On suivra notamment les Italiens ce soir. Ça va être des beaux matchs à suivre en direct entre 21h et minuit. Là, on vous laisse vite. Hein, on déborde tous les jours, Fredo, excuse-nous. Hein. Bah, c'est pas grave. C'est Italie-Irlande ce soir qu'on va suivre. Oui, les Italiens, les Irlandais. Et Suède-Belgique. Et les Suédois, peut-être le dernier match de Zlatan. Peut-être le dernier, ouais. Contre les Belges. Deux beaux matchs à suivre ce soir. Beaucoup d'émotions. Exactement, émotions, frissons. sont au programme. Radio Libre et Skyrock ce soir à 21h. Bon, une belle journée. Et profitez bien de la chaleur, du soleil si vous en avez. Ah, ça fait plaisir. Allez. Et Fred est chaud, chaud bouillant ce matin, c'est parti. Oh, mais je comprends pourquoi t'es chaud bouillant. Mm-hmm. T'es venu accompagner. C'est Queen. C'est Queen Bee. Queen Bee. Queen Bee, c'est ça. Elle est là, Beyoncé, on va l'écouter maintenant. Allez, c'est parti. Ciao, ciao. Bonne journée. Ciao. À tout à l'heure. À toutes, c'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bon mercredi à vous tous. Et en effet, c'est Beyoncé qu'on écoute tout de suite. Voici Hold Up sur Skyrock. Thank you.